Là la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Bonne année tout le monde, bonne année 2010 qui s'en vient là. Ben on est dedans en fait, puis on a commencé ça de belle manière puisque hier le 2 janvier 2010 avait lieu à Las Vegas au Nevada un événement de UFC. Ça a bien parti l'année, on va en parler évidemment durant l'émission. On parle de ça, on parle du dynamite qui a eu lieu lui le 31 décembre 2009 au Japon. Alors tout ça et encore bien d'autres sujets dans la voie des guerriers et tout ça évidemment. Ça se fait grâce à MMAnouvelle.com, l'adresse, le lieu pour les véritables amateurs de MMA. Et on parle tout de suite avec Frédéric L'Homme Nouvelle Garcia, qui, bien évidemment, n'a pas raté l'événement d'hier du UFC, à laquelle avait droit comme combat final. Un combat quand même qui a donné beaucoup de plaisir, je pense, aux véritables amateurs de MMA. Entre Rashad Evans et Thiago Silva, d'abord, Fred, as-tu aimé l'événement? Ah, l'événement en général a été excellent, excellent, super, rien à dire contre. Le dernier combat, tu vois, moi je pense que ça a peut-être été celui qui a eu le moins d'action, si on veut, mais ça a été un excellent combat tout de même. J'ai été un peu déçu, moi, avec Thiago Silva, que ben je pense que c'était une question de cardio là au troisième round, là, mais il avait sa chance de finir Rashad, puis il a pas sauté dessus, puis c'est de valeur parce que il y avait aucune chance de gagner au point après les deux premiers rounds de la façon que Rashad a dominé. Alors Thiago Silva aurait dû essayer de trouver là cette petite énergie là qui lui manquait pour finir Rashad, parce que Rashad était à sa portée, il y avait les genoux qui pliaient tout seul. Ça a été un excellent combat quand même. Ouais, moi j'ai bien aimé l'événement, j'ai bien aimé tous les combats. D'ailleurs, on a toutes vu, on a vu chacun des combats qui se sont déroulés. Moi, que je ne me trompe, là, on va regarder ça de toute manière, un à un, on fait le tour de la carte au complet, puis on commence ça tout de suite avec, bon, on a déjà commencé déjà entre le combat final qui opposait Rashad Evans et Thiago Silva. Bon, vous aurez compris que ça s'est allé à la décision des juges, et tous les juges ont donné des résultats identiques, 29-28, tous en faveur de Rashad Evans, qui clairement a remporté le premier, le deuxième engagement. Je pense qu'il a dominé au premier et au deuxième. Bon, évidemment, grâce à sa lutte, on savait que Rashad Evans avait de bonnes habiletés en lutte. Il nous l'avait démontré ici et là dans quelques-uns des combats qu'il a disputés précédemment. Mais là, vraiment, il a utilisé sa force principale, sa lutte, tout au long du combat et au premier et au deuxième engagement. Il a fait flèche de tout bois là et facilement amené Thiago Silva à quasiment chacune de ses tentatives d'amener au sol. Il réussissait facilement avec des belles techniques en plus pour les véritables amateurs de lutte, dont honnêtement, je ne suis pas nécessairement le plus grand amateur de lutte, mais hier quand même, j'ai bien apprécié toutes les différentes manières que Rashad Evans est parvenu à amener Thiago Silva au sol. C'était vraiment de toutes les beautés. Puis également, je pense qu'avec sa boxe, il a également dominé, pas largement, mais quand même. Dans les deux premiers rounds, oui. Dans les deux premiers rounds, oui, je suis d'accord. Il a vraiment sorti une très belle boxe. C'est ça, justement, je me disais, moi aussi, ça m'a surpris la vitesse qui frappait Rashad Evans. Il a surpris Thiago Silva. Thiago Silva, on est habitué de le voir toujours avancer, puis au premier round, il s'est mis à reculer. Rashad l'a connecté une couple de fois. Alors oui, Rashad, ses mains ont été très belles hier. Oui, très belles. Rashad, c'est très belles mains. Puis, tu aimes cette expression-là. Hein? Très agile, puis j'ai bien aimé des combinaisons avec les mains, puis finissait ça avec une technique de lutte. Alors vraiment, de toutes les beautés, travailler dans le haut du corps avec ses mains, et tout de suite, des belles transitions pour amener Thiago Silva au sol. Le petit hic, peut-être, c'est qu'il est rendu au sol. a pratiquement jamais réussi à frapper sévèrement Thiago Silva. Thiago Silva a réussi, bon, il a démontré là, qu'il est très bon au sol, a évité de recevoir des coups qui auraient pu lui faire mal, et tout le temps, il a réussi à se sortir de ces positions-là pour reprendre, remettre le combat en position debout. Mais lui, tant qu'à lui, a jamais réussi d'amener le combat au sol, Thiago Silva. Chacune des tentatives ont été faites par Rashard Evans, et à chaque fois, il y est parvenu avec une facilité, je pense, déconcertante, là. Oui, on savait que c'était un excellent lutteur, mais Thiago Silva était incapable, surtout aux deux premiers engagements, de maintenir le combat en position debout, et même en position debout, Rashard Evans, bon, dominait, c'est un gros mot, mais avait le dessus sur Thiago Silva. Et il y a eu au troisième engagement, je ne sais pas ce qui s'est passé, Rashard Evans a cessé d'attaquer et Thiago Silva. On a vu, je pense, Rashard Evans. Je pense que ça a commencé au deuxième round, moi, où ce que Thiago Silva, à un moment donné, a pogné Rashad, puis Rashad a comme perdu un peu de son agressivité rendu là. Il était un peu plus anxieux, ou il y avait un moment d'hésitation, puis... Ouais, tout à fait d'accord avec toi, Fred. Puis je pense que je me souviens exactement du moment, clairement. Il y a vraiment eu, je pense que c'était une main arrière, le Thiago Silva. On n'a pas vu Rashard Evans plier les genoux à rien, mais on l'a vu, ça a dû lui faire mal. Puis dès à partir de ce moment-là, il a cessé d'attaquer, puis on a vu Thiago Silva est devenu l'agresseur. Et c'est là, que Thiago Silva a pris les choses en main. Ouais, exactement. Puis ça, j'ai lu sur une couple de blogs américains qui disaient peut-être que des combats de 5 rounds pour des combats non de championnat, ça serait bon. Je ne sais pas. Je suis d'un bord puis de l'autre moi sur ce sujet-là. Mais j'aurais bien aimé voir deux autres rounds là, pour ces deux gars-là. Ouais, mais honnêtement, je pense que Rashard Evans est supérieur. Puis l'erreur qu'il a fait, c'est de cesser d'attaquer Thiago Silva. Parce que bon, en contre-attaque, Rashard Evans est un peu plus petit, était un peu plus petit que Thiago Silva. Thiago Silva, lorsque c'est lui qui attaquait, on a vu Rashard Evans cerner. Puis j'ai peut-être manqué d'agressivité au troisième engagement. Et c'est ce qui a permis de trouver Thiago Silva la petite faille à un moment donné. Tu mentionnes l'agressivité. J'ai beaucoup aimé ça chez Rashad hier parce que Rashad, d'habitude, est plus un gars qui attend pour contre-attaquer. Si on regarde le KO contre Chuck Liddell, tu sais, il attire Chuck vers lui, puis il pogne, puis c'est plus son style. Tandis que hier, Rashad, dès le premier round, il s'est mis à attaquer lui, puis j'ai bien aimé ça. Je pense qu'il a surpris Silva là-dessus aussi. Silva, peut-être, s'attendait pas à se faire attaquer aussi à haute intensité, là, sans arrêt. Ouais. Au troisième, bon, il y a eu ce petit moment où Thiago Silva, désespéré, savait très bien qu'il allait perdre une décision. Eh bien là, je pense que ça s'est servi un peu stratégique, là, interpeller un peu les partisans, la foule, pour que Rashard Evans y aille coup pour coup. Puis je pense que même si Rashard Evans aurait fait ça, Thiago Silva aurait pu subir un KO lui aussi. Là. Je pense pas qu'il avait l'avantage debout. Mais Rashard Evans a été peut-être un peu trop passif dans ces circonstances-là. Au lieu de continuer d'agresser Thiago Silva comme il l'a fait aux deux premiers rounds, eh bien, a attendu que le temps s'écoule. Thiago Silva en a profité. Il l'a touché. Bon, Rashard Evans a été ébranlé. Thiago Silva a tenté de terminer ça, n'y est pas parvenu. Et à un moment donné, tu peux pas frapper sans arrêt, là. C'est sûr que il fallait que Thiago Silva reprenne ses esprits. Puis ça a été un peu trop long, puisqu'il a fait en sorte que c'est Rashard Evans qui l'emporte par décision. Oui, ben comme on a dit, ça a été un excellent combat. Je pense que Rashad, ça le fait monter. Son prochain combat, ça risque d'être contre Rampage. Moi, ce que j'ai vu d'hier de Rashad me convainc pas qu'il est prêt pour un autre combat contre Machida tout de suite. Alors, c'est pour ça que j'espère que Rampage va vraiment revenir puis que Rashad va pouvoir affronter Rampage avant. Ben, je pense qu'un autre combat contre Machida tout de suite, ça risque d'être peut-être le même résultat. Oh, ben, de toutes les manières, Machida a déjà un autre rendez-vous avant. Pour ce qui est de Rashard Evans, probablement que lui aussi, bon, tu lui as Ouais, mentionné, c'est ce ça. sera Quinton Jackson. Puis il y a tellement de bons combattants, 205 livres, c'est difficile de présumer quand est-ce que Rashard Evans aura une autre opportunité pour un titre de championnat. Ouais, hier, je pense qu'il utilisait le nom de Machida pour essayer de vendre le pay-per-view aussi, là. Il mettait souvent le nom de Machida comme quoi que les deux avaient juste perdu contre lui et tout, là. Ouais, bon, effectivement. Alors, moi, j'ai bien apprécié ce duel-là entre Rashad et Thiago Silva. Rashad l'a emporté. Mais c'est sûr que c'est toujours, ça nous laisse tout le temps un arrière-goût dans la bouche lorsque le gagnant du combat perd de manière nette et claire le dernier round du combat. Ça nous laisse sur une mauvaise note, mais moi j'ai l'impression, même donner un round de plus, puis Rashad Evans avait complètement repris ses esprits et il aurait probablement remporté le combat. Tu vois, moi, il y a un an environ, quand Rashad était champion, j'étais pas le plus grand amateur de Rashad, puis je pensais que Rampage l'aurait battu assez facilement. Mais là, avec qu'est-ce que je vois de Rashad, je pense que Rashad va peut-être surprendre Rampage dans un combat entre les deux. En tout cas, j'ai hâte de voir ça va être intéressant. Oui, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'animosité entre les deux. Je pense que ça va être une carte assez facile pour le UFC à vendre. Ce qui, bon, apparemment, avant de continuer pour le reste des autres combats, ça n'a pas été nécessairement le cas hier. Je vois ça, là. Bon, plus de 13 000 spectateurs, ça c'est bien. Mais en vente, on a à la billetterie seulement 2 millions de dollars en gain, si j'ai bien compris, Fred. Oui, Je pense que. c'est ce que Dana White a dit hier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Là, j'ai pas assez étudié les chiffres pour ça. Premièrement, à Montréal, tu mentionnes des fois 5 millions. Je pense que ça, c'est parce que la première fois qu'ils sont venus, les billets étaient assez chers. Et aussi, l'aréna est pas mal plus grand à Montréal. Le MGM, c'est même pas 14 000 personnes qui peuvent rentrer dedans. Alors ça aussi, ça affecte les revenus au guichet. Qu'est-ce qui est encore plus important, c'est les pay-per-view. Dana White hier a glissé un mot qui pensait qu'il allait en vendre entre 400 000 et 500 000 de l'UFC 108, ce qui est un petit peu en dessous des résultats qu'ils ont normalement. Ouais, ben c'est ça. Hein. 2 millions, on pense au premier à Montréal, c'était 5,1, je pense, puis 4,9 pour le deuxième. Mais bon, peut-être en chiffres, ce serait peut-être un peu plus honnête de comparer avec d'autres événements qui ont eu lieu exactement au même endroit, au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas. Il y a eu le UFC 98, à laquelle on avait ramassé quand même plus d'un million de plus. C'était 3,2 millions. Puis encore une fois, la finale avait été Evans face à Machida, je pense. Oui, Yoshi. Ouais. c'est ça, UFC 98. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Moi, je pense pas que les revenus au guichet soient la plus grosse peur pour Dana White. C'est plus vers les pay-per-views, parce que vraiment, c'est là que les revenus sont. Et moi, en tout cas, j'ai eu l'impression toute la semaine que Dana a un peu senti peut-être la pression vis-à-vis aux ventes pay-per-view quand il a pogné les nerfs après Jake Rawson. Ça avait l'air que c'était parce qu'il avait pas assez d'attention sur son gars-là. Et au bout de la ligne, les 50 $ du pay-per-view, je pense que c'est là que vient le gros de l'argent pour l'UFC. Oui, certainement, mais moi je pense que c'est toujours une bonne indication. C'est sûr que les pay-per-views, c'est très important, mais je pense que c'est très important également qu'il y ait du monde dans les amphithéâtres où se déroulent les UFC. Bon, évidemment, ici au Québec, on connaît plus le hockey. Ça paraît toujours mal lorsqu'on voit, au Québec, on a les Canadiens de Montréal qui remplissent le Centre Bell à chaque coup, là. Depuis plusieurs années, c'est plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais lorsqu'on voit le Canadien à l'étranger, Ben, le Canadien remplit l'amphithéâtre de l'étranger aussi. Ouais, souvent, il y a plus de spectateurs, il y a plus de partisans des Canadiens, mais je vois à Atlanta où il y a des bancs vides partout. Ça laisse, non, c'est pas, je pense que c'est pas une belle image pour une organisation. Moi, je pense que Le c'est sûr. UFC, c'était plein quand même hier, mais moi, je pense que c'est des chiffres quand même qu'il faut s'y attarder. C'est 1,2 million de moins que le dernier UFC à s'être présenté au MGM Grand Garden Arena. Le UFC 94, c'était 4 millions. C'était le double de ce qu'on a fait hier. C'était Georges St-Pierre face à BJ Penn, là. Donc, évidemment, ça, c'était un gros événement. Puis, il faut également, pour être honnête, dire que le UFC 108 a eu beaucoup de difficultés puisqu'il y a eu beaucoup de blessés. Alors, la carte a peut-être déçu plusieurs partisans parce que il y avait des gros combats de prévus, mais malheureusement, les blessures ont fait en sorte que s'ils vont se produire dans d'autres événements. Alors, Fred, je vois que je t'ai laissé bouche bée. Ouais, ben excuse-moi, Non, je m'attendais je pensais qu'il y avait autre chose à dire, mais sinon, on peut continuer avec le reste de la carte. ouais, ben c'est parce que j'étais en train de me préparer mentalement là, à parler de Dustin Hazlett là, qui a fait dur un peu hier. Là, Plan un de de mes match. préférés, là, ça n'a pas bien été. Plan de match, là, absolument. Il n'y C'était en avait pas, je pense. un très mauvais plan de match. De rester debout, immobile face à Paul Daly, dont son talent consiste surtout à ses attaques en pied et en point. Et Dustin Nazelet s'est donné en cible complètement, restant debout face à Paul Daly, utilisant des coups de pied frontales. Ça, c'était une bonne idée quand même de Dustin Nazelet, qui a touché la cible, mais sinon, il bougeait absolument pas. Ça, évidemment, lorsque ton adversaire devant toi, c'est un shooter, c'est un. Un tireur d'élite, là. Il peut te frapper avec ses mains, avec ses pieds, puis te mettre KO n'importe quand. Mais il faut que tu bouges devant lui, c'est clair. Tu peux pas rester devant lui sans bouger, parce que là, tu deviens une proie très facile. Et Dustin Nazelet s'est placé là, debout au centre de la cage, attendant Paul Daly. Évidemment, son jeu à Dustin Nazelet, c'était d'amener le combat au sol, mais restant debout devant lui, attendant je sais pas quoi, c'était clair qu'il ne pouvait pas remporter un duel de cette manière-là. Il devait soit brusquer les choses, puis aller au-devant, puis attaquer Paul Daly, faire en sorte de le coller pour que Paul Daly ne puisse pas lancer ses attaques puis d'amener le combat au sol, ou sinon, de rester à distance de Paul Daly, mais bouger pour pas être une cible facile pour Paul Daly, puis profiter d'une erreur de Daly pour l'amener au sol. Mais Azelette a vraiment resté tout debout, sans bouger, et c'était clair qu'il allait perdre de cette manière-là, par KO, au premier round. Un crochet de Paul Daly et c'en était fait. Victoire de l'Anglais face à l'Américain Dustin Hazlett. Ouais, ben il va falloir que je commence à donner du crédit à l'Anglais parce que je le gardais un peu sous le radar, si on veut. Là. Je le considérais pas vraiment dans le top, mais là, avec deux victoires de suite, puis en plus de ça, il a battu deux gars que j'aimais bien en Campman puis Hazlett. Alors, Daly, il va falloir garder un œil, c'est sûr, dessus. Sa boxe est excellente. Moi, quand Joe Rogan nous disait que c'était peut-être le meilleur boxeur dans l'UFC, je pensais qu'il essayait d'en mettre un petit peu trop. Il exagère peut-être encore un peu sur cette affirmation-là, mais Paul Daly a d'excellentes mains, puis elles sont très puissantes surtout, là, on l'a vu, là, ça fait deux gars qui goûtent à sa médecine. Ouais, là, j'aime bien Paul Daly, mais je pense qu'à 170 livres, il est pas dans le top 10 mondial, loin de là. On l'a vu face à Jake Shields, Shields a remporté le combat facilement. Paul Daly, c'est un gars, bon, oui, il a des bonnes mains, une bonne force de frappe, mais je pense pas. Bon, il a battu Martin Campman, il vient de battre Dustin Nazelet, mais je pense que Nazelet avait vraiment un mauvais plan de match. Et non, ça me convainc pas. Là. Paul Daly, oui, c'est un bon gars, puis oui, il va pouvoir nous offrir des prestations qui vont peut-être être spectaculaires dans les prochains duels. Mais moi, c'est clair que ce gars-là, il est pas de la trempe ni de John Fitch, ni de Thiago Alves, ni de Josh Koscheck, et évidemment pas de Georges St-Pierre. Moi, où ce que je voudrais le voir, c'est contre un gars qui a d'excellents takedowns, voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Peut-être pas un Georges St-Pierre, parce que justement, c'est trop haut, là. Mais j'avais lu contre Koscheck, ça pourrait être intéressant, un Daly contre Koscheck, ou quelqu'un qui a une bonne base en lutte, qu'on puisse tester, voir si Daly a un bon... pour arrêter les projections au sol, s'il est capable de débloquer. Alors ça serait un bon test pour lui. C'est sûr que c'est pas les deux plus grands qui a battu, mais c'est quand même deux gars qui avaient un nom dans l'UFC. Alors lui, tranquillement, il s'en fait un. Puis il devrait affronter un gros nom, je pense, pour son prochain combat là. Oui, ben c'est sûr, parce que bon, il a battu Marvin Campman, qui était prévu, lui, était prêt d'avoir un combat très significatif lorsque Daly l'a remporté. Puis là, bon, il vient de disposer de Dustin Nazelet. Alors c'est surprenant, mais en même temps, je pense que c'est Dustin Nazelet hier qui a très mal paru. Paul Daly qui a bien fait, mais je pense que c'est Nazelet sur qui il faut surtout être déçu de sa contre-performance. Par la suite, pour Paul Daly, il s'agit maintenant d'une 23e victoire, d'une 18e par KO. Mais il faut quand même regarder qu'il a 8 défaites à sa fiche, Paul Daly. Puis dans le cas de Dustin Nazelet, c'est une 5e défaite. Il a 12 victoires. Âgé de seulement 23 ans, C'est un gars qui va nous offrir de belles soumissions, je pense, dans le futur. Mais je pense que Dustin Nazareth sera jamais parmi l'élite à 170 livres. Probablement pas assez complet. On l'a vu face à Josh Koscheck également, où Koscheck s'était servi de sa puissance de frappe pour l'emporter. Joe Lauzon face à Sam Stout, bon, ça a été le combat de la soirée. C'était un combat spectaculaire. Sam Stout a livré toute une bagarre. Premier engagement, Joe Lauzon est venu à quelques millimètres de finir Sam Stout par une belle soumission. D'ailleurs, Lauzon, lui qui n'avait pas combattu depuis quelque temps suite à une opération au genou, je pense la même que Patrick Côté, est revenu, puis tout feu, tout flamme, a fait lui aussi un beau combat. Mais évidemment, plus le temps avançait, plus ça favorisait un gars comme Sam Stout qui est tout le temps dans une forme physique impeccable. Joe Lauzon également, quand même, hier, a eu de l'énergie pour les trois engagements. Mais Sam Stout, une véritable machine. Les deux n'ont que 25 ans. Et maintenant, Sam Stout est allé chercher sa 15e victoire. Il a 5 défaites. Et Joe Lauzon, c'était sa 5e défaite lui aussi. Lui qui a 18 victoires. Mais ça a été vraiment un beau combat. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Fred. Oui, excellent combat. Ça méritait le combat de la soirée. Je vais commencer en te disant tu t'as parlé de Joe Lauzon. Moi, au début, direct au premier round, Lauzon a sauté sur Stout puis l'a amené au sol tout de suite. Puis il y avait beaucoup de vouloir dans son takedown. Et par la suite, il a semblé avoir un peu moins de vouloir dans ses takedowns où il avait perdu un peu de confiance. C'est sûrement le fait que Stout l'a connecté plusieurs fois. C'est peut-être aussi sa blessure, justement, parce que c'était pas une question, je pense, justement, de cardio. Il avait l'air d'avoir du cardio. C'était plus une question de timing, ou je suis pas sûr exactement. Mais Ben, il y a. il faut dire que lorsque, évidemment, il y a la transpiration puis tout ça, ça devient beaucoup plus difficile. Bon, pour sortir d'une soumission, ça devient plus facile. Lorsque tu es en transpiration, ça glisse plus, c'est facile à comprendre. Puis les techniques de lutte également, tu as moins de grippe lorsque, évidemment, les corps sont en sueur, puis c'est glissant. Alors, ça devenait plus difficile pour Joe Lauzon. Puis Sam Stout, évidemment, là, avait vu le jeu. On réussit à éviter les tentatives de mise au sol, mais toujours de manière in extremis. Joe Lauzon est venu bien souvent à quelques millimètres d'amener le combat au sol à nouveau. Puis il l'a fait quand même à quelques reprises, mais Sam Stout a toujours été en mesure de se sortir des positions souvent dangereuses à l'avantage de Joe Lauzon, qui évidemment au sol était supérieur à Sam Stout, c'était assez clair. Mais Sam Stout, toujours en valeureux combattant, là, s'est sorti de ces positions-là de belle façon. Ouais, ben regarde, c'est ça, Sam Stout, je veux te dire qu'il a monté beaucoup à mes yeux hier. C'était vraiment une très belle performance. Parce que justement, au sol, il a pas paniqué. Il a réussi à s'en sortir. On le connaît pas vraiment comme un expert au sol, mais il a prouvé qu'il était capable de survivre contre quelqu'un de très bon puis de se replacer en position pour attaquer. Alors, Sam Stout, moi, hier, justement, à fin de son combat, il a pogné un bon cran, là. Il a augmenté dans l'échelon, là, des poids légers que je vois. Je ne sais pas si je le placerais dans le top 10, sûrement pas, mais j'aimerais bien le voir aussi justement contre un gars un autre bon gars au sol, là, peut-être un gars plus fort sur les takedowns qu'un Lauzon, peut-être un Sean Sherk ou un genre de combattant de même contre Sam Stout, ça pourrait offrir un bon combat. Ouais, on se cachera pas, je pense pas que Sam Stout puisse être parmi l'élite des 155 livres. Ben, il l'est déjà dans l'élite, mais je veux dire, parmi les 5 meilleurs, là, je pense pas que ça va arriver. Mais le gars, il va nous offrir toujours des combats les plus spectaculaires. Il l'a encore fait hier, on l'a vu avec Sean Tompkins dans son coin, qui a crié tout le long du combat. Franchement, là, c'était toute une prestation du Canadien Sam Stout. Puis Joe Lauzon, également une belle performance. Mais évidemment, Sam Stout, en pleine forme, là, avait le même niveau d'énergie presque à la fin du troisième engagement qu'au premier round. Puis Joe Lauzon, ben évidemment, comme tout humain normal, était un peu plus épuisé au troisième, malgré qu'il me semblait en bonne condition physique. Mais Sam Stout était trop fort au troisième engagement, puis a évité toutes les tentatives d'amener au sol, distribué de belles combinaisons des pieds, des mains, puis il finissait ça de belle façon, là, vraiment. Utilisait ses deux jambes, des coups, les lancer avec les mains au corps également, qui ont touché la cible. On a vu Joe Lauzon à un certain moment donné où je pense que là, ça, il devait avoir mal partout. Les coups dans les jambes lui avaient fait mal, les coups au corps également. Et Sam Stout a pleinement mérité cette victoire. En tout cas, le travail le plus facile au monde va peut-être être matchmaker pour les 155 livres. Il y a tellement de talent à 155 livres. Il y a pas un manque de choix de combat. Oui, et bon, la décision des juges, parce qu'on s'est rendu à la décision, 30-27 pour deux juges et 30-26 pour un troisième. Et quand même, au premier engagement, là, il s'en est fallu de peu pour que Sam Stout là, soit soumis par Joe Lauzon, qui a tenté quand même une manœuvre. Là, puis moi, je pensais que c'était terminé, honnêtement. Là. Ouais, moi aussi, j'ai dit, j'avais des amis ici, et dès qu'il s'est allé au sol, j'ai dit... Oh, oh, ça va peut-être être fini assez vite, mais non, Sam Stout, comme je dis, il m'a surpris, Sam Stout, beaucoup de cœur, il a pas lâché, puis après ça, il a re-attaqué encore plus férocement, alors un bravo pour lui, il a bien mérité sa victoire hier. Bon, on était dans les 155 livres et on y demeure. On va parler de deux Américains, Jim Miller face à Dwayne Ludwig. Et Jim Miller, là, je pense que lui aussi là, va avoir des combats très importants dans l'avenir dans la catégorie des 155 livres. Hier, affrontait Dwayne Ludwig, qui est peut-être pas le combattant le plus complet, mais qui, debout, est toujours dangereux. Mais là, Jim Miller a dominé le combat à tous les niveaux et de manière assez facile. Il remporte le combat à 2 minutes 31 du premier round par clé de bras. Oui, est-ce que j'ai pas accroché mon bouton mute assez vite? Ouais, non, Jim Miller, ça je dis, à 155 livres, il y a tellement de talent. Il était supposé d'affronter Sean Sherk, qui aurait été un plus gros test pour lui. Puis il l'a dit lui-même en entrevue après ça, où que s'il aurait battu Sherk, ça l'aurait placé quasiment dans le top 10. Alors, Jim Miller, un autre à 155 livres, il faut garder un œil dessus. Je pense que c'est 15-2 sa fiche ou quelque chose comme ça maintenant. Alors, ben maintenant, il a poussé ça à 16-2. 16-2. Alors, c'est une autre très belle fiche à 155 livres. Moi, c'est vraiment rendu ma division préférée, je pense. Ah, ben, continuons maintenant. Bon, pour ce qui est de Dwayne Ludwig, c'est un retour au UFC. Ça n'était pas nécessairement très convaincant. Bon, malheureusement pour lui, on a vu à son coin Greg Jackson, mais bon, évidemment, tu peux bien avoir l'une des meilleures équipes qui t'entoure. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir autant de succès que tes autres partenaires. Le Brésilien, parce que effectivement, d'habitude, il y a beaucoup de Brésiliens sur les cartes du UFC, puis les cartes de n'importe quelle organisation de MMA internationale, mais car il n'y en avait pas tant. Il y avait Thiago Silva, évidemment, qui a perdu, et un autre, dont Junior Dos Santos, qui est invaincu dans le UFC. Il a battu Mirko Krokop, Stefan Struve et Fabricio Werdum. Et là, il affrontait Gilbert Ivel, qui je pense pas, il y a Joe Rogan, l'analyste de UFC sur le pay-per-view, qui mentionnait qu'il était une légende. Là. Bon, Gilbert Ivel, je l'aime bien. Mais là, dans le milieu des arbitres, c'est une légende. Ouais, le gars, il peut une crise de folie, il y en a eu quelques-unes antérieurement. Mais là, j'ai lu sur un blog américain hier, ça aurait été comique si, parce que Ivel a semblé pas être d'accord avec l'arrêt du combat, ça aurait été comique si Herb Dean serait parti à courir juste au cas. Si l'arbitre avait arrêté le combat trop tôt, non, je pense pas. Mais malgré que Gilbert Ivel se relevait aussi, là. Junior Dos Santos l'a amené au sol grâce à un excellent crochet à ce moment-là. Puis Gilbert Ivel a réussi a été frappé de nouveau au sol. Mais alors que l'arbitre a arrêté le combat, il était en train de se relever, mais c'était pas de la manière la plus intelligente, puis il recevait encore d'autres coups. Puis, de toutes les manières, on a bien vu que Dos Santos était supérieur à Gilbert Ivel. Ivel, c'est un gars qui offre des belles performances d'habitude, c'est des bons spectacles, mais je pense pas que ce soit un combattant de MMA accompli, puis qu'on puisse le placer dans le top 20, même 30 peut-être, des poids lourds en MMA à travers la planète. Mais c'est un gars qui peut toujours être dangereux, ça c'est clair. Oui, non, ben regarde, tu sais, ça revient à une histoire de match-up puis de nom, je pense. Alors Gilbert Ivel, c'est un nom. Il a certaines qualités, puis si tu le mets face à certaines type de combattant, ben ça peut donner des combats intéressants. Alors, je pense bien qu'on va le revoir encore dans l'UFC. C'est sûr que sa ligne doit être mince si on veut. Il peut pas se permettre d'autres défaites, je pense, de suite. Peut-être une autre, mais pas beaucoup plus, parce que sinon sa carrière dans l'UFC sera pas très longue. Mais Gilbert Ivel, il mérite bien sa chance. Rogan hier m'a donné l'impression qu'il voulait vendre beaucoup la carte tout court, là, que ça soit dans les combats de Spike TV, quand il a fait l'entrevue avec Dana White et tout. Il y avait beaucoup de scriptage, on aurait dit, là, dans leurs paroles. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, une autre belle performance pour Junior Dos Santos. On a vu encore le frère Nogueira dans son coin, lui qui s'entraîne avec les Anderson Silva, les frères Nogueira. Alors, évidemment, une équipe redoutable et c'est une 10e victoire dans son cas. Et il n'a qu'une seule défaite en carrière. Au UFC, il était vaincu. Puis, dans le cas de Gilbert Ivel, c'était une 14e défaite. Tout de même. Avec Cain Velasquez et Nogueira qui s'affrontent, Shane Carwin, Frank Mir, ça a été annoncé hier. Qui qu'on pourrait mettre devant Dos Santos, là? Je pense qu'il était prévu pour affronter Gabriel Gonzaga à cet événement-là, puis Gonzaga était blessé, si j'ai ouais, bon... Oui, c'est vrai, t'as raison. Et, ouais, peut-être si Gonzaga est prêt à revenir, ça pourrait être intéressant. Je sais pas si Gonzaga a quelque chose d'autre de prévu. Il me semble que non, on lui a rien cédulé après. Alors moi, je souhaiterais peut-être encore ce rendez-vous-là entre les deux Brésiliens pour voir ce que Dos Santos peut faire au sol et aussi s'il est en mesure d'éviter les amener au sol d'un gars qui est très gros, là, Gonzaga quand même, présente c'est un gars très fort physiquement, debout également, se débrouille relativement bien également. OK, ben on continue. Ça, c'était les combats qui étaient présentés sur le pay-per-view. Puis maintenant, rendons-nous sur la carte sur Spike TV, dont le duel entre Martin Kampmann et Jacob Volkman. C'est plutôt Kampmann qui a remporté le combat. Ça s'est terminé à la fin du premier round par guillotine et... inévitablement, Volkman n'avait pas le choix là. C'était bien serré cette affaire-là et il a abandonné. C'est Kampmann qui revient rapidement sur le chemin de la victoire après la défaite qu'il avait encaissée aux mains de Paul Daly. Ouais, ben regarde, moi j'avais été amateur de Kampmann, mais hier il m'a pas convaincu plus que ça non plus. Il s'est fait pogner une couple de fois, puis quand il s'est fait pogner, j'ai vu quand même qu'il avait de l'air un peu nerveux. Moi je pense il a repogné Volkman deux fois. Kampmann s'est fait avoir. Et il a semblé avoir les genoux qui pliaient un petit peu et il a connecté sur Volkman qui lui est tombé chaque fois au sol. Alors, je sais pas, va falloir voir Kampmann. À un moment donné, je considérais Kampmann dans le top 10, mais maintenant, je l'ai plus dans mon top 10 à 170 livres. Et il va y falloir une couple de meilleures performances que ça. Effectivement, parce que Volkman, je pense pas que ce soit le gars avec la plus de puissance dans ses frappes. Et c'est pas le gars qui a la plus grande portée nécessairement également. Mais hier, a réussi quand même à attaquer Kampmann à deux reprises où on a vu Kampmann toucher puis reculer. Mais grâce à sa portée, grâce également à son sens du combat debout, a réussi à chaque fois d'un seul coup de poing à coucher Volkman. Puis a profité de ces moments-là pour remporter le combat quand même de belle façon. Volkman... qui est invaincu en MMA ailleurs que UFC, mais par contre, dans ces deux combats qu'il a disputés au UFC, il s'est fait battre à chaque occasion. La dernière fois et la première fois, sa première défaite, c'était face à Paulo Thiago, ça fait quoi, 2 mois? Et là, un autre revers dans le UFC pour Jacob Volkman, et pour ce qui est de Martin Kampmann, c'est sa 16e victoire. Avant ça, on avait un duel sur le Spike TV entre Cole Miller et Dan Lauzon. Et également, ça, tout un combat, je pense. J'ai bien apprécié le duel. Cole Miller qui l'emporte par soumission. Et en plus, la soumission de la soirée, c'est vraiment exécuté de manière là délectable. Oui, ben j'en ai parlé un peu, moi, dans mon texte là, sur MMA Nouvelles. Qui résumait un peu la soirée d'hier. Moi, Cole Miller, je commence à bien l'aimer. Je sais que c'est pas le plus grand combattant qu'il y a, mais j'aime beaucoup son intensité parce que moi, je regarde toujours les pesées, les entrevues et tout. Ça a l'air d'un gars extrêmement intense, agressif, à se motiver, mais en même temps, je vois un gars là, qui a un plan de match, qui semble intelligent, puis aussi un gars bien correct, parce qu'à la fin du combat, les deux, ils se sont félicités, après tous les mauvais mots, puis tout. Alors, moi, j'aime bien Cole Miller. C'est sûr, je pense pas que c'est un top à 155 livres pour le moment. Mais j'aime bien le potentiel, j'aime surtout son attitude dans la cage. Oui, moi, effectivement, je suis d'accord avec toi, j'aime son style. Par contre, je pense pas qu'il devienne jamais un gars parmi peut-être le top 5 de sa division, là, peut-être même le top 10, là, mais c'est un gars qui va toujours nous offrir de beaux combats. Bon, Dan Lauzon l'a touché dangereusement quand même en début de combat. Puis ça aurait pu se terminer là, mais on a vu Miller réussir à se ressaisir. Et également au sol, il est excellent. D'autant plus que là, il affrontait quand même Dan Lauzon. Bon, il est très jeune, 21 ans à peine, mais au sol, il se débrouille plus que bien, là, à l'instar de son frère Joe Lauzon. Mais là, Cole Miller a réussi, malgré qu'il a été atteint sérieusement en début de combat par les mains de Lauzon, au sol, à réussir à éviter de recevoir d'autres coups qui auraient pu faire en sorte que l'arbitre arrête le combat rapidement. Et ensuite de ça, le combat, on s'est remis debout. Puis lorsque c'est allé au sol à nouveau, un peu plus loin dans le combat, eh bien là, Cole Miller a fait toute une soumission, a placé un triangle inversé, mais c'est surtout la technique là, avec... il s'en allait avec un Kimura ou une clé de bras qui a fait en sorte que Dan Lauzon n'a pas le choix et c'est terminé. Peut-être trop tôt dans le combat parce que je pense qu'on aurait tous apprécié un round au moins de plus entre les deux combattants qui nous ont offert, je trouve, un beau combat. Oui, c'était excellent. Tu mentionnais rapide. Hier, tous les combats ont été rapides. À un moment donné, il était obligé de nous représenter les mêmes combats, comme la dernière fois un peu. Mais ça me dérange pas, ça. J'espère vraiment que ça n'empêchera pas l'UFC de continuer à faire les Spike TV parce que c'est vraiment excellent. Ça donne un peu de, si on veut, de piquant, d'ambiance, même chez nous, dans le salon, à regarder le Spike TV, on pogne de l'ambiance pour les combats à venir. Alors, peut-être rajouter une coupe de combats. D'habitude, l'UFC a 10-11 combats par carte de combat. Là, il y a eu celui de Machushenko qui a été annulé à la dernière minute, ça a fait mal. Mais peut-être monter à 12-13 combats, puis en même temps, ils pourront tout remplir le gala, là, les espaces morts à TV. Oui, ben tiens, on poursuit, ça c'était ce qui était présenté sur Spike TV, puis évidemment, comme tu l'as mentionné, les combats se sont terminés prématurément, puis bon, ça fait en sorte qu'on a vu d'autres combats, on l'a vu également dans le pay-per-view et sur Spike TV. Il y a Mark Munoz qui disputait son deuxième combat dans les 185 livres, puis lui qui a disputé le reste de ses combats dans différentes organisations, puis au UFC également dans la division des 205 livres. Mais là, 185 livres, il va peut-être avoir une incidence dans la division. Bon, je pense pas qu'il y a de la graine pour être un danger pour les meilleurs des 185 livres, mais quand même, face à Ryan Jensen hier, il a plutôt bien fait et a terminé le combat en matraquant le pauvre Ryan Jensen au sol à 2 minutes 30 du premier engagement. Et l'arbitre qui était, est-ce que c'était Mario Yamakazi, Yamazaki, en tout cas. C'est ce combat-là qui a manqué le tapage, là. Il a lâché comme le gars. Je me rappelle plus c'est quel combat. Ouais, c'était ce combat-là où c'était clair, là. Ben, c'est peut-être plus facile pour nous qui regardons ça à la télé. On a une vision d'ensemble, mais de toute manière, je pense que c'était clair qu'il fallait arrêter le combat parce que Jensen ne pouvait plus rien faire. Là, je vais te dire que Yamasaki, en général, c'est un des arbitres que je considère très, très, très bon. Et il n'y a personne de parfait. Alors oui, il a fait une erreur sur cette situation-là. Là, ça, il n'y a aucun doute. Mais je pense qu'en général, c'est quand même un des bons arbitres. Ouais, si c'était lui qui était l'arbitre également pour le combat entre Matt Hughes et Frank Trigg, où Hughes avait reçu un coup dans les parties, je me souviens pas si c'était lui, ou c'était où l'arbitre également avait tant comme avancé pour mettre une pause dans le combat, mais en fin de compte, il avait pas rien fait, puis le combat avait continué. Puis Hughes aurait pu perdre le combat, mais bon, heureusement pour lui, il avait réussi à renverser la situation. Ça se peut, ça me remémore quelque chose. Comme je dis, c'est vraiment pas un travail facile. Moi, j'aime bien analyser les arbitres parce que je pense que ils sont quasiment aussi importants que les deux combattants. peut-être juste un petit peu en dessous, là, mais sont très importants dans un combat. Pour qu'on les voie pas, comme qu'on les voie juste quand il faut qu'on les voie. Alors, Yamasaki, en général, c'est ça que j'aime. Il se tient à l'écart, puis il sait quand rentrer. Aussi, je pense que c'est une ceinture noire ou assez avancée en jiu-jitsu. Alors, le gars connaît les arts martiaux aussi. Alors, moi, c'est un arbitre que j'aime bien, en général. Hier, ça a peut-être pas été sa meilleure décision, ce qui peut arriver à n'importe qui. Oui, et je pense que tu as raison de dire que leur travail est vraiment primordial là, pour la sécurité des combattants de prime abord, pour le résultat, mais en même temps, moi, le résultat, même s'il fait une erreur de jugement, s'il arrête le combat trop tôt, c'est sûr que c'est plate pour le combattant qui, bon, met beaucoup d'heures à l'entraînement pour ça, mais je pense que le plus important, c'est la sécurité des combattants, au risque de peut-être d'arrêter un combat trop tôt à l'occasion. Mais la sécurité des combattants, là, c'est ce qu'il y a de plus important, en tout cas, à mes yeux. Une chose peut-être que je reprocherais à plusieurs arbitres, il me semble qu'on n'a plus le Big John McCarthy qui rentre dans le combat pour arrêter. Comme McCarthy, tu sais, il s'interposait, là, il rentrait son gros corps, si on veut, là, puis ça finissait. Que justement, Yamasaki, il va peut-être un petit peu trop doucement, il devrait plus y aller avec intensité pour arrêter le combat. Mais comme je dis, en général, c'est un arbitre que j'apprécie beaucoup. Ah, ben on est heureux. Alors, une belle victoire pour Mark Munoz qui... s'entraîne maintenant avec la Black House Team. Donc, comme on a dit tout à l'heure, là, c'est l'équipe de Junior Los Santos. Alors ça, évidemment, ça peut peut-être l'aider à progresser puis à améliorer ses aptitudes. On parle toujours de Extreme Couture, de Greg Jackson, de American Top Team, là, mais cette équipe-là, c'est peut-être la meilleure aussi dans le MMA. Ouais, puis moi, de toutes les manières, t'as beau être entouré des meilleurs au monde, là, ce qui restera le plus important, c'est le combattant lui-même. Il y a bien du monde, j'ai bien beau m'entraîner avec Sidney Crosby, là, je deviendrai jamais un bon joueur de hockey, c'est comme ça, je sais pas patiner. Alors, Mark Munoz, qui va chercher une 7e victoire, il n'a subi qu'une seule défaite, vous vous en souvenez, c'était face à Matt Hamill, puis pour Ryan Jensen, bon, c'était sa 6e défaite, malheureusement, dans son cas, à lui, qui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur Ryan Jensen. Mike Pyle, maintenant, l'expérimenté américain, qui s'entraîne avec l'équipe de Randy Couture, affrontait Jake Ellenberger, qui, quant à lui, revenait d'une défaite, mais il nous avait quand même relativement impressionné dans son premier combat au UFC. Et là, il est allé chercher la victoire, malgré que... au début du combat, a amené le combat au sol, je pense, à une ou deux occasions, puis rendu là, on l'a vu que Mike Pyle était plutôt dangereux, puis réussissait à contenir Jake Ellenberger, puis encore plus que ça, on voyait poindre peut-être la possibilité d'une soumission telle d'un Kimura à un moment donné, mais bon, il a lâché ça, peut-être que c'était une erreur de sa part, et Jake Ellenberger, à la fin du premier round, a fait mal à Mike Pyle, qui a mis du temps à se relever. Il s'est relevé, mais au début du deuxième round, facilement, Ellenberger a disposé de son compatriote. Alors, c'était pas le combat le plus spectaculaire. Mike Pyle, c'est un gars qui a une belle fiche, ben, au niveau des soumissions surtout, va chercher un bon pourcentage de ses victoires par soumission. Le gars a 34 ans, 19 victoires, 6 défaites, 17 de ses 19 victoires par soumission. Puis on l'a vu quand même, le dos au sol était toujours dangereux, mais malheureusement, quelques failles dans son jeu. Puis bon, il a subi sa 7e défaite. Et dans le cas de Jake Ellenberger, c'était déjà sa 22e victoire, là, si je vois bien. Alors, Ellenberger, qui je pense qu'il manque peut-être... un peu de jeu au sol, on l'a vu quand même dans des situations précaires au sol face à Mike Pyle, mais une bonne technique en lutte, a des bonnes beaucoup de puissance dans ses mains également. C'était un combat de sous-carte, puis c'était un bon combat de sous-carte. Ouais, ben toute la carte hier nous a fait d'excellents combats de A à Z. Il n'y a pas eu de combat vraiment ennuyant qu'on nous a présenté hier. Alors ça revient toujours au fait que le MMA, c'est un sport excitant. Si tu mets deux gars qui ont de l'expérience, là, c'est sûr qu'on prendra pas deux gars du bord du coin, là, mais deux gars qui ont de l'expérience, ben, il y a de très bonnes chances qu'on va avoir le droit à un excellent spectacle. Finalement, il y a eu un autre combat que j'ai pas vu, par contre, là, entre Rafaelo Oliveira face à John Garderson. Oliveira, c'est un Brésilien. Il est allé chercher sa 10e victoire, puisqu'il a remporté le combat par décision. 30-27, c'est la décision des juges. Il a maintenant une fiche de 10 victoires, 2 défaites. Et il avait perdu son dernier combat avant ça face à Nick Lenz. Mais là, il a réussi à disposer de John Garderson, qui encaisse tant qu'à lui sa 7e défaite déjà. Ouais, ben on l'a peut-être pas vu parce que c'était peut-être le seul combat qui était plate, je pense, parce que en conférence de presse, il y a un des journalistes qui a demandé ça à Dana White. Il a dit tous les combats étaient bons sauf celui-là. Alors c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu finalement. Ouais, bon, effectivement, quand même le reste de la carte là, pour moi, ça a été des beaux combats. Puis pour ce qui est des bonus qui ont été donnés à certains combattants, ben il y a le combat de la soirée entre Sam Stout et Joe Lauzon. Pleinement mérité tant qu'à moi. Le KO de la soirée, Paul Daly, ça aurait peut-être pu être également le Brésilien Junior dos Santos. Il y a eu quelques KO quand même spectaculaires lors de la soirée. Mais on en a décidé pour que ce soit Paul Daly. Et pourquoi pas quand même, il a fait une belle prestation. Ensuite de ça, la soumission de la soirée, c'est Cole Meller avec en position triangle inversé, a réussi à placer une clé de bras ou une kimura. Ben, en fait, c'était pas nécessairement encore complété, mais le garçon Lauzon a décidé de taper rapidement, mais de toutes les manières, dans cette position-là, c'est clair que c'était terminé pour lui. Une belle carte, je pense. Sur papier, c'était peut-être pas la plus où il y avait les plus grands noms, mais quand même, ça nous a donné un spectacle hyper intéressant. Et je pense, si on avait, surtout, on était peut-être encore plusieurs, il y avait des gens de votre famille qui étaient chez vous à l'occasion des fêtes, et s'il y avait un combat, je pense, à montrer à quelqu'un qui connaît pas nécessairement encore le MMA, le combat entre Joe Lauzon et Sam Stout, c'était peut-être leur combat pour les initier à ce sport-là. Beaucoup de respect entre les deux les deux pugilistes. À la fin du combat, on a vu Sam Stout, là, honnêtement. En tant que Canadien, on peut être fier de sa performance. Et puis également, après le combat, très respectueux. Franchement, ça a été un combat que j'ai beaucoup apprécié. Oui, non, excellent combat. Ben, comme on a dit, tous les combats, puis le MMA en général, moi, Cole Meller, je l'ai mentionné, le respect entre les deux, une autre belle soirée. L'UFC va continuer à grandir, c'est officiel. Alors, on vous invite à suivre toujours MMAnouvelle.com pour toutes les actualités autour du UFC, autour de toutes les organisations japonaises, autour des organisations québécoises, autour de toutes les organisations de MMA à travers la planète. On essaye de suivre ça de manière la plus sérieuse possible, puis la plus crédible possible pour vous donner l'information le plus rapidement possible et également vous offrir du plaisir. Puis hier, j'espère que vous en avez eu parce qu'on avait une carte complètement exquise. Puis en plus de ça, si vous avez eu l'occasion de participer au jeu de paris virtuel, ça agrémente votre soirée encore plus pour ceux, évidemment, ouais. Les résultats, ils viennent tout juste d'être compilés, puis je vois que tu as fait 60 crédits de profit, mon Ken, hier. Une grosse soirée, Fred. On est allé de manière raisonnable parce que je pensais avoir fait plus que 60, là. Je pensais que j'en avais fait 210, mais bon, en tous les cas, la déception vient me chercher, mais c'est pas grave. Bon, évidemment, j'avais joué. Ben, je vois que tu as gagé 215 crédits puis qu'il y aurait 60 de profit. Là, en tout cas, tu regarderas ça si jamais il y a une erreur, là, mais... Ah, oh, c'est pas grave. Je ne le crois pas. Alors, mentionner que MCQC a été le plus fort cette semaine, puis je suis le meilleur, mène toujours au classement général. Oui, là, je pense que je dois absolument aller prendre un petit breuvage quelconque. Là. Puis, on reviendra dans quelques secondes. Entre-temps, on vous laisse avec une petite musique pour vous calmer. Et on revient avec un événement qui a eu lieu il y a quelques jours au Japon, le 31 décembre. C'était le Dynamite, le gros événement annuel au Japon dans le domaine du MMA. Et on a mêlé à ça quelques combats encore. Alors, de retour après quelques secondes. sommes le 2 janvier 2010 et la Voix des Guerriers se poursuit. On vient de faire un petit tour, un gros tour, disons-le quand même, du UFC 108. Et maintenant, on se rend au Japon. L'événement avait lieu le 31 décembre dernier au Japon, inévitable, certainement dans l'aréna, le Super Arena à Saitama. Très connu, j'imagine, par les habitants japonais. 45 000 personnes se seraient déplacées pour l'événement, de ce que j'ai pu lire. Alors, quand même, un événement avec Katsiri, sa part de petits japonais qui se sont probablement régalés de sushi entre-temps, parce que l'événement a duré longtemps. Là, il y avait plusieurs combats lors de cette soirée-là. Est-ce que tu as réussi à tout le regarder en direct? Non, j'ai pas vu tous les combats, honnêtement, j'en ai vu quelques-uns, et en faisant le tour des cartes, on va pouvoir identifier ceux qu'on a vus, soit moi ou toi, là, qu'on puisse donner nos appréciations des combats. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de voir tous les combats, Frédéric? J'ai vu la majorité des combats, j'ai regardé plusieurs en direct, là. J'ai toffé jusqu'à à peu près 7h du matin, mais à 7h du matin, fallait que j'aille me coucher. Bon. On commence par quoi? On va commencer avec Gary Goodridge et Gérard Mousasi. C'était une victoire assez facile de Gérard Mousasi face à Gary Goodridge. Et Mousasi a été intelligent. C'est pas obstiné à essayer de combattre debout face à Gary Goodridge, qui est, bon, évidemment, beaucoup moins fluide, beaucoup moins rapide, beaucoup moins agile que Mousasi debout. Mais quand même, il possède toujours une force de frappe. Et Mousasi, dès qu'il en a eu l'occasion, a amené le combat au sol et de manière très facile. Là, Goodridge a pas résisté une seconde. Mousasi a amené ça au sol et facilement a pris une position avantageuse, a distribué les coups de poing. Et l'arbitre a peut-être arrêté le combat trop rapidement par contre. C'est qui, il me semble, d'habitude les Japonais, au contraire, attendent trop longtemps. Mais là, je sais pas parce que c'était parce qu'il y avait trop de combats, mais on a arrêté le combat rapidement. Tu vois, moi, je trouve que c'est toujours une extrême ou l'autre. Des fois, c'est trop rapidement, des fois, c'est pas assez rapidement. Mais je vais te dire, juste en général, sur le gala Dynamite, il y a eu beaucoup d'action, il y a eu des bons combats. Mais il y a quelques combats qui m'ont laissé un peu, si on veut, avec un goût amer. Celui-là, celui d'Alistair Overeem. Je me disais, justement, c'est pas des combats à qualité égale, si on veut. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est pas... Cet aspect-là m'a donné un peu un mauvais goût dans la bouche du gala Dynamite. Mais comme tu as dit, Gérard Mousasi, il a dominé Goodridge, mais Goodridge, ça veut rien dire. Alors, il va falloir attendre à son prochain combat pour voir Mousasi vraiment qu'est-ce que c'est, parce que je pense pas qu'on peut retirer grand-chose de ça. Oui, je ne suis pas de ceux qui ne jurent que par le UFC. Moi, je crois en d'autres organisations, Strike Force. Puis même au Japon, on fait des belles événements, des beaux événements régulièrement. Mais par contre, des fois, même souvent, on a l'impression que le matchmaker, celui qui s'occupe des confrontations dans ces organisations-là, japonaises-là, c'est peut-être la même personne qui prépare les sushis. Alors, effectivement, là, ça donne des combats pas très équitables. Alors, bon, Goodridge, Mousasi, c'en était un. Goodridge, il est en fin de carrière depuis 10 ans. Puis Gérard Mousasi, c'est peut-être le prospect le plus à surveiller, là. Puis même, c'est plus qu'un prospect, là. C'est le champion au Strikeforce de sa division. O'Dream également était champion des 185 livres avant de laisser le titre. C'est un gars avec beaucoup de talent, debout, au sol, partout. Et là, on l'oppose à un gars qui est fini depuis... je pense que Mousasi n'avait pas encore entamé sa carrière, que Goodridge était déjà fini. Alors, c'est un peu gênant. Bon. On passe au prochain, c'est ça, justement. Maintenant, bon, je sais pas dans quel ordre j'y vais, mais je vais poursuivre avec Shinya. Ouais, c'est ça, on y va au sort. Shinya Aoki face à Mizuto Hirota. Bon, Aoki, moi, je l'aime bien. Ben, je l'aimais bien, je dirais. Un gars, évidemment, au sol, excessivement dangereux. Puis Hirota a pu le constater de lui-même, là. Il s'est fait arracher le bras. Et j'ai vraiment pas apprécié le comportement de Shinya Aoki à la fin du combat. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux précédemment, mais je pense pas, à moins qu'Hirota ait, je sais pas, kidnappé les enfants d'Aoki, là, ça méritait pas... Voler sa femme. Ouais, puis même là, ça méritait pas ce comportement-là, là, de Shinya Aoki. Vraiment gênant. surtout venant d'un gars. Je pense qu'il y a une rumeur qui avait volé ses spandex rose et jaune l'année passée. Incroyable. En plus, ces culottes, je suis plus capable. Je suis né à hockey, là, que c'était un de mes préférés. Puis s'il y en a un que j'aimerais voir en Amérique, dans la division des 155 livres, c'est bien Shinya Aoki. Moi, le nouveau venu du UFC, là, Gomi, là, j'ai jamais apprécié. Là. J'ai toujours trouvé qu'il était protégé par les organisations japonaises. Puis je pense pas que c'est un gars qui peut être dangereux au UFC, là, loin de là. Mais Shinya Aoki, je pense que le gars, il a les aptitudes, il a le talent, il a tout ce qu'il faut. Mais là, j'ai vraiment ce genre d'attitude-là après une victoire, là, j'ai trouvé ça dégoûtant. Oui, non, c'était très, très décevant. Puis aussi, comme par la suite, il s'est un peu excusé, si on veut, mais j'ai pas vu beaucoup de remords pour son attitude. Là. Il a donné un doigt d'honneur. C'est surtout ça qui m'a déplu dans son attitude. C'est quand il s'est mis devant, par-dessus son adversaire qui a un bras cassé, qui était pas beau à voir, puis qui a donné un doigt d'honneur. C'était complètement inutile. Inutile, il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est le genre d'exemple. C'est les attitudes là. On voit ça dans plusieurs sports. Là. C'est pas une question de combattant ou quoi que ce soit. Il y a du monde qui manque de classe des fois ou l'intensité est trop haute puis ils savent pas se contrôler. Mais c'est inacceptable. Le problème, c'est qu'au Japon, je pense pas qu'il va être puni vraiment. Tu as une amende peut-être, je pense, il me semble que j'ai lu pour ça, mais à part de ça, je pense pas qu'il y aura vraiment quoi que ce soit contre Shinya Aoki. Hirota, c'est ça qui se battait contre? Ouais, Mizuto Hirota. Il aurait dû taper. Parce que là, il y a 18 mois avant qu'on le revoie facilement, je dirais, là, il va avoir une belle opération, réhabilitation et tout, il aurait dû lâcher. C'était pas la décision intelligente. Bon, voyez-vous, le premier combat dont on vous a parlé, Goodridge face à Mousasi, en 1 minute 34, c'était réglé. Celui-là, André Aoki, puis Hirota, ben encore une fois, c'était trop facile pour Aoki. En 2 minutes 17, c'était réglé. Et le troisième dont on va vous parler, c'est Alistair Overeem face à Kazuyuki Fujita. Bon, lui aussi, là, qui est rendu très vieux. Puis bon, Alistair Overeem, c'était pratiquement impossible qu'il puisse perdre ce combat-là. Et il l'a remporté facilement, 1 minute 15, un coup de genou solide, percutant. Et Fujita s'est ramassé rapidement au sol et c'était terminé. Un coup de genou destructeur, comme Overeem en lance fréquemment. Puis on l'a vu là, dans plusieurs de ses combats qu'il a fait dans le passé. Puis encore une fois, il a touché la cible et Fujita a payé le prix. Ouais, c'est ça, un combat inégal qui n'aurait pas dû arriver. Puis peut-être juste mentionner qu'Overeem a dit qu'il voudrait affronter Fedor au mois d'avril, sûrement, ou quelque part dans ces alentours-là, mais qu'il veut aussi faire son combat de K1 avant. Alors, on verra bien quand est-ce que ça va arriver. Oui, ben c'est ça. Avril, mai, juin. Dans ces eaux-là, on devrait voir Overeem en terre américaine. 2011, 2012, 2013. Ou... bon. Satoshi Ishii face à Hideko Yoshida, ça c'est une grande déception pour moi. Puis honnêtement, j'ai misé beaucoup sur Ishii, d'autant plus. Bon, évidemment, j'avais jamais vu parce qu'il a jamais combattu à MMA avant ce combat-là. Mais j'avais de grands espoirs en Satoshi Ishii. J'aurais aimé et je souhaitais qu'il y ait un gars, un expert en judo qui arrive en MMA. Tout jeune encore, il vient de récolter une médaille d'or aux derniers Olympiques, il a même pas 25 ans, en pleine forme, il semble avoir beaucoup de volonté, mais là, il dispute un affrontement face à un gars qui a à peu près les mêmes capacités que lui, ben, un gars qui a beaucoup plus d'expérience par contre, Hideko Yoshida, et Satoshi Ishii a perdu le combat par décision. Puis ça, bon, évidemment, ça m'a fait perdre beaucoup de crédit virtuel au pari virtuel de MMA sur MMAnouvelle.com. Mais également, je pense qu'il faut oublier Satoshi Ishii qui puisse avoir une incidence dans le MMA, dans la carrière des poids lourds, à moins vraiment que, je sais pas ce qui se passe là, dans les prochains mois, il puisse redécouvrir des talents qui étaient cachés profondément en lui. Ouais, ben moi aussi j'ai été pas mal déçu. J'ai pas regardé le combat en direct, je l'ai regardé par après. Et justement aussi, Il manquait un peu de stratégie, je pense. Non, Ishii m'a déçu aussi. Surtout parce qu'on en parle depuis quoi, plus d'un an quasiment. Là. Alors là, ça a été un petit peu décevant comme début de sa part. Oui, puis ça démontre à quel point le MMA, c'est un sport complet. C'est un sport qui n'est pas accessible facilement. Là. Satoshi Ishii, c'est un athlète incroyable. Médaille d'or aux Olympiques en judo, là, tu peux pas avoir une médaille en judo aux Olympiques, puis ne pas avoir de qualité athlétique importante, une des qualités également, une force mentale redoutable également. Parce que des pratiquants de judo à travers la planète, là, il y en a un puis un autre qui viennent de partout. S'entraîne aussi fort que toi. Satoshi Ishii a réussi à un très jeune âge à devenir champion du monde et médaillé d'or aux Olympiques. Mais là, c'était son premier combat à MMA. Il affrontait un gars qui est un combattant de MMA qui a beaucoup plus d'expérience que lui, mais c'est pas nécessairement le plus dangereux dans les poids lourds. Il a perdu ce duel-là. Alors, ça démontre à quel point le MMA, c'est un sport complexe. Par la suite, bon, il y avait des confrontations entre le Dream et le Sangoku. D'ailleurs, Aoki puis Hirota, c'était l'une de ces confrontations-là. Vous aurez compris qu'Aoki, étant un gars du Dream, bien, est allé chercher une victoire pour son organisation. Pour un autre duel entre Dream et Sangoku, il y avait également Overeem face à Fujita. Encore une fois, c'était le Dream qui l'a emporté. Du côté maintenant de Norifumi Yamamoto, Kill Yamamoto, face à Masanori Kanehara, ce dernier du Sangoku, et Kill Yamamoto du Dream. Et c'est la surprise, je pense. Kanehara qui l'emporte, mais là, c'est une surprise, on ne pourra plus utiliser ce terme dans les combats de Yamamoto, parce que ça, il vient de perdre il y a quelques temps face à Joe Warren également, et je pense que Yamamoto est peut-être sur son déclin. Oui, je pense que c'est la fin de Yamamoto, malheureusement. Moi, là, je vais en revenir à une affaire qui me déplaît un petit peu. Tu parlais au début là, que toi, tu n'étais pas juste fan de UFC. Moi non plus, je ne suis pas juste fan de UFC. Mais pour ce qui est de Ligue majeure, je suis un très grand fan de l'UFC. Justement, où est-ce que il y a plus une... Si on veut une vraie organisation, je trouve, autour. Yamamoto, il a passé tellement de temps à pas combattre. Après ça, des combats K1, des combats un peu à sa portée, si on veut. Alors, j'aime bien, moi, le style UFC où ce qu'on te met devant un gars, puis c'est ça, c'est les meilleurs un soir après l'autre. Ouais, mais quand même, n'empêche que Yamamoto a battu des gars qui sont au UFC là, présentement, je pense à Kaol Uno, Yamamoto l'a battu, Rani Yaya qui est à la WEC, Yamamoto l'a battu, oui, il a battu Genki Sudo également, il a battu Royler Gracie. Il y a des cas de qualité quand même. Ça a été, c'est un excellent combattant. Ça a été un excellent combattant. Ma critique, c'est plus vis-à-vis les organisations. Puis j'irais même jusqu'à contre Strike Force, parce que justement, où ce qu'on sait pas quand est-ce que Alistair Overeem va revenir et tout. Moi, c'est plus vis-à-vis le manque de crédibilité, si on veut. L'UFC travaille très fort pour garder sa crédibilité là-dessus. Alors, moi, j'apprécie beaucoup cet aspect-là. Ouais, mais honnêtement, moi j'aime le MMA en général. Le UFC font un excellent travail, mais Strike Force, je te trouve, là, dans les derniers événements, nous offre des cartes de qualité très grande. Surtout l'avant-dernière, puis même la dernière, là, ce sont des événements moi qui me plaisent à chaque coup. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient. Je sais que toi aussi, là, t'apprécies les cartes de Strike Force, mais je suis peut-être pas, j'aime les combats de MMA en général, peu importe l'organisation. À certains points, je m'en fous un peu, mais effectivement, avec le UFC, faut pas se mentir, là. C'est eux qui font le meilleur travail côté marketing, puis même côté les confrontations, là, les match-ups font également d'habitude. Il y a une certaine parité, puis c'est rare que quelqu'un se fait déclasser. Évidemment, tout peut arriver dans un combat de MMA. Mais effectivement, que d'habitude, les combats sont bien balancés. Ouais, ben tu vois, regarde cette petite séquence-là, c'était juste pour être sûr que Dana White se mette jamais à nous crier après comme il a fait après Jake Rawson. On lui a lancé quelques fleurs. Ouais, ben maintenant, il y avait Tatsuya Kawajiri qui affrontait Kazunori Yokota. Et c'est Kawajiri qui l'emporte par décision unanime. Hideo Tokoro face à Jungman Kim. C'est Tokoro qui l'emporte. Décision unanime également. Melvin Manef maintenant face à Kazuo Misaki. Misaki, c'est un gars expérimenté. Il a battu Dan Anderson dans le passé. C'est un gars, franchement, là, qui a beaucoup de talent. Ce Kazuo Misaki là, il a 33 ans, 22 victoires. Bon, maintenant, 10 défaites, mais quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a battu des gars avec des gars quand même implantés en MMA. Dennis Kang, bon, Dan Anderson, je l'ai déjà dit. Mais là, il affrontait un gars excessivement dangereux debout, Melvin Manef, qui a 24 victoires, dont 23 victoires acquises par KO ou TKO. Puis ce fut encore le cas. Mais une fois de plus, je pense que l'arbitre a arrêté le combat vraiment trop rapidement, certainement, là, dans ce cas-ci, à 1 minute 49. Bon, Manef a amené son adversaire au sol grâce à des coups de puissance comme il lui seul a le secret. Et l'arbitre, bon, trop rapidement a arrêté le combat. Ouais, ben, je l'ai regardé vite ce combat-là. Il s'apprêtait à commencer, puis j'étais pas capable de rester réveillé. Je l'ai regardé le lendemain rapide, mais t'as raison. L'arbitre a fait encore une mauvaise décision. Je suis pas sûr si c'est. Je pense que c'était le même, ouais, c'est ça. C'était le même arbitre que plus tôt on a mentionné. Alors. Je sais pas. Honnêtement, c'est difficile, hein. Il y a su quelqu'un qui ressemble plus à un Japonais qu'un autre Japonais, là. Oh, son... okay. T'es pas correct, là. Alors, Melvin Manef, un autre, on devrait voir au Strike Force incessamment. Oui, contre Robbie Lawler. Ça va être excellent. Le Manoef, ben ça dépend. Si Lawler reste debout avec, ça va être excellent, hein, parce que Manoef au sol a pas vraiment de qualité. Mais Lawler non plus, c'est pas un gars de sol. Alors, ça devrait être un excellent combat plein d'explosions. Ouais, ben Lawler, je pense que ça va être à son avantage d'amener le combat au sol. Là. Debout, ben, je pense. Le ground and pound, sûrement, qui va... essayer d'amener ça, j'imagine, ouais. Oui, parce que lui, il s'entraîne, évidemment, Lawler avec Matthew depuis nombre d'années. Là. Alors, quand même, je pense que c'est un combattant plus complet que Melvin Manef. Mais debout, Manef est beaucoup trop fort pour presque... je pense pas qu'il y a beaucoup de combattants qui peuvent résister à la puissance de frappe de Melvin Manef. Par la suite, Hayato Sakurai face à Akiro Gono. C'est ce dernier, Gono, qui l'emporte par soumission, clé de bras, de belle façon d'autant plus. Et Gono qui va chercher une 31e victoire, lui qui a soumis dans le passé Jegar Musashi. Bien là, il va pouvoir mettre Sakurai dans sa liste de victimes par soumission. Ouais, Sakurai, je sais pas, il semblait un peu... floppy, c'est le meilleur mot que je peux trouver en anglais. Ça, c'est une erreur. Il a laissé son bras complètement à Gono qui a sauté dessus. Il a eu des bons réflexes. Gono a tout de suite vu l'ouverture puis il a mis une clé de bras et Sakurai n'a pas eu le choix de lâcher. Maintenant, Hiroyuki Takeya face à Michiro Omigawa. C'est Omigawa qui l'emporte par TKO au premier round. Rapidement, Katsuyori Shibata face à Hiroshi Izumi. Izumi, c'est également un ancien combattant de judo aux Olympiques. Il a remporté son premier combat face à Katsuyori Shibata par décision unanime. Et on poursuit avec la finale du tournoi Super Hall qui s'est déroulé durant toute l'année 2009. On avait comme combat final, Ikuiza Minowa face à Ramo Thierry Sokoju. Et une chance que Minowa a remporté son combat parce qu'il a réussi à aller chercher une fraction des crédits que j'avais perdu dans le cas du japonais là, judoka Satoshi Ishii, dont j'avais misé beaucoup trop de crédits. Merci à Minowa qui est allé me chercher quand même une petite portion de ce que j'avais perdu. Une belle performance de Minowa et qui l'a remporté au troisième round par TKO et Sokoju encaisse un autre revers. Ouais, ben... une surprise pour moi. Minowa a beaucoup de cœur. Faut y donner, là. C'est une belle histoire. Et Sokuju s'est fait mettre KO, mais l'arbitre, est, encore une fois, s'est interposé peut-être un peu trop rapidement. Avant ça, Sokuju avait une bonne stratégie. Il était pas trop agressif, mais au troisième round, il a peut-être manqué de gaz comme qu'on le connaît habituellement, là, comme il fait souvent. Ouais. Ben, ce coup, une surprise. Je sais pas si c'est une surprise. Ben, assez... ah, en tout cas, c'est une sixième défaite pour Sokoju. Lui qui a sept victoires. C'est un gars qui est le fun à voir parce qu'il a un bon gabarit. Je vais dire une chose sur Minowa. Il a tellement combattu contre des gros gars là, que je l'imaginais plus petit. Je pensais que Sukuju allait avoir une plus grosse avantage point de vue physique sur Minowa. Puis Minowa est assez relativement assez fort quand même, j'ai vu. Il n'est pas aussi petit que je le croyais. C'est le fait qu'il a affronté tellement de géants que j'avais une impression qu'il était plus petit que ce qu'il était. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est assez surprenant de voir ça parce qu'on l'a vu souvent dans le passé contre des gars avec des gros gabarits. Là, son dernier combat, c'était face à un Man Choi qui fait 7 pieds 2. Avant ça, c'était Bob Sapp qui fait plus de 300 livres. Alors, évidemment, c'est sûr que là, il y avait quand même presque une similarité dans la physionomie de son adversaire. Là, à peu près, on jouait dans la même catégorie ou pratiquement. Et Minowa est allé chercher une 44e victoire. Il y a beaucoup d'expérience, là, Minowa. Il a quand même 30 défaites également. Mais il affronte n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et là, il est allé chercher une belle victoire. Et c'est le champion Hulk, là. Je sais pas c'est quoi cette signification-là. En fait, ça veut rien dire. Hein. Mais les Japonais doivent apprécier ça quand même. Il a dû avoir un beau chèque qui est venu avec. Ah, bon, on lui souhaite. Finalement, je vais terminer en vous disant que Masato a réussi enfin à battre Andy Sauer par décision unanime après trois rounds. Ça, c'était en règle de K1. Ray Seifo, qui faisait un retour, réussit à disposer du japonais Yosuke Nishijima par décision unanime après trois rounds également. Ça termine pour l'événement du 31 décembre au Japon. Alors là, c'est un autre moment de reprendre notre souffle et par la suite, il y aura probablement des potins, des nouvelles, des choses qui se sont déroulées dans la semaine. Il y a, malgré que c'était les fêtes et la nouvelle année, il y a quand même une signature au UFC qu'on va vous mentionner, dont on a déjà fait part tout à l'heure au début de l'émission, mais quand même, on va revenir là-dessus sur bien d'autres choses dans quelques minutes. Mais pour l'instant, savourez ce petit moment musical. Dont nous sommes les seuls à connaître le secret vraiment. Là, vous allez voir, c'est ce genre de moments-là qui font en sorte que vous allez pouvoir vous donner un nouvel élan pour l'année 2010. C'est les petites musiques dans la voix des guerriers qui, honnêtement, là, je sais pas qui a choisi notre musique, mais c'est toujours un moment agréable, hein, Fred? Ah ouais, c'est excellent. Excellent et gratuit. Bonne écoute. Thank you. Ah, c'est le moment maintenant de se remettre dans l'actualité. Vous avez mangé trop de dinde, les desserts, tout ce qu'on ingère là durant la période des fêtes, puis évidemment la famille, puis tout le tralala. Vous avez peut-être perdu le fil de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans le domaine du MMA. Mais il y en a un qui, lui, prend jamais de vacances. C'est l'homme nouvelle, Fred Garcia, qui va donner tout ce qui s'est passé dans les dernières heures, les dernières semaines, les derniers jours dans le monde du MMA. Alors, Fred, qu'est-ce qui s'est passé qui pourrait nous intéresser? Ben, t'en as mentionné tantôt, là, Takanori Gomi qui signe avec l'UFC. C'est une grosse nouvelle, si on veut, parce que Takanori Gomi, c'est un gros nom au Japon. Très, très gros nom, même. Malheureusement, peut-être que ses meilleures années sont derrière lui. Toi, en plus de ça, t'as semblé dire qu'il a toujours été protégé. Alors, ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense que Gomi a eu des match-up un peu faciles pour lui, surtout dans les dernières années. Puis il en a perdu dans les dernières années contre des gars qui n'auraient pas dû perdre contre. Alors, Gomi qui s'en vient dans l'UFC, c'est intéressant, surtout, je pense, pour attirer des spectateurs en Asie. Oui, effectivement, là, le UFC a de grandes ambitions, puis le marché japonais est très payant, là, c'est clair. Puis bon, on voit que depuis que Pride est parti, il y a Dream, il y a Sengoku, mais je pense pas que ni l'une de ces organisations-là a réussi à avoir autant de puissance et l'attrait que Pride a déjà eu dans le passé. La porte est grande ouverte pour le UFC, mais honnêtement, moi, Gomi, là, je préfère Shinya Aoki, même si bon, on l'a vu son comportement après sa victoire, là, déplorable, mais en termes de combattant, je préfère Shinya Aoki. Puis mon préféré, ça a toujours été Sakuraba. Bon, il est fini, ça c'est clair, là. Mais j'aurais quand même préféré encore Sakuraba et même quelques autres japonais. Gomi, c'est pas mon préféré, loin de là. Mais quand même, il va peut-être ajouter quelque chose d'intéressant au UFC. Et déjà, je pense qu'on a la mention peut-être d'un son prochain combat, son premier combat au UFC. On sait déjà qui pourrait être son adversaire. On a entendu parler de Kenny Florian. Oui, ça serait un bon combat, je pense, pour Gomi pour commencer. Seule chose, j'ai l'impression que Florian sortirait gagnant, moi, de ce combat-là. Parce que justement, Florian est dans sa croissance en tant que combattant, je pense qu'il continue à s'améliorer. Il a joint une excellente équipe. On l'a vu à son dernier combat, sa boxe a été excellente. Gomi a une excellente boxe aussi. Mais non, tu vois, moi, je tente à pencher vers Kenny Florian si les deux finiraient par s'affronter. Ouais, ben honnêtement, je vois pas qui Gomi peut battre au UFC. Ben, peut-être quelqu'un de plus bas niveau, là. Ouais, en tout cas, on va bien voir, puis peut-être que j'ai changé mon idée. Je l'ai pas vu combattre si souvent que ça, là. Gomi a quand même plus de 30 combats à sa fiche, 31 victoires, 5 défaites. Mais je pense que dans des combats séries, souvent, les Japonais donnaient la victoire à Gomi. Puis, je suis pas sûr, en tout cas, j'ai toujours des doutes des fois sur les décisions qui ont lieu au Japon. Une chose que je doute dans toute cette histoire-là, c'est qu'on nous dit que Gomi s'en vient avec pour but de l'UFC de le mettre dans un combat contre BJ Penn. Et BJ Penn a déjà battu Gomi. Et surtout, je pense que Gomi n'est plus du tout le même combattant qu'il était avant. Puis je pense que BJ Penn est encore meilleur. Alors, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir Gomi contre BJ Penn. Je sais que l'UFC, eux autres, ça revient au fait qu'ils veulent des spectateurs au Japon. Mais je vois pas ça se concrétiser. Peut-être s'il bat Kenny Florian, ils vont lui donner immédiatement sa chance, là, mais j'ai un peu de misère avec cet aspect-là. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose dans le monde du MMA, là? Le UFC, peut-être, il y a un événement bon, qui s'en vient, ce sera le 109, mais il y a des nouvelles également à propos, je pense, du UFC 111, à laquelle le Québécois Georges Saint-Pierre va disputer un combat bon, évidemment important, puisque ce sera encore la couronne des 170 livres qui va être en jeu face à l'anglais, dont j'oublie le nom là. Dan Hardy, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette carte-là, mis à part ce duel entre Hardy et Georges Saint-Pierre? Ben, hier, l'UFC a officialisé ce combat-là, et en plus de ça, un combat intérimaire pour un championnat intérimaire entre Frank Mir et Brock Lesnar. Frank Mir est plutôt... Ouais, Shane Carwin, c'est ça. Brock Lesnar, on devrait avoir des nouvelles sur lui cette semaine. Ça, d'après ce que les différentes rumeurs que je vois, là, on dirait que sa carrière est peut-être finie, ou du moins un bon break pour une couple d'années. Il y a toujours pas beaucoup d'informations sur quelle maladie exactement, ou plus d'informations sur ce qui s'est passé avec Brock Lesnar. Frank Mir à ESPN a dit que Brock Lesnar serait peut-être rendu à 240 livres environ. Et normalement, Brock Lesnar pèse 285-290 livres. Il coupe à 265 pour la peser. Alors, il aurait perdu 45-50 livres, Brock Lesnar, déjà. Moi, je pense que sa carrière, tout pointe vers sa carrière finie pour le moment. Et on devrait avoir des nouvelles cette semaine. Ouais, le pauvre garçon est en train de se manger de l'intérieur. Alors, ça va pas bien dans son corps. Ça, on va se manger de l'intérieur, ou l'intestin a pas suivi la progression du reste du corps, ou je sais pas. On sait pas, À part de ça, Fred, peut-être revenir sur GSP qui parle des Olympiques. Il donne encore, il laisse la porte ouverte aux Olympiques, là. On dirait que ça l'intéresse beaucoup, Georges St-Pierre, à participer aux Olympiques, mais en même temps, Georges St-Pierre, c'est un gars très intelligent, puis il sait que s'il veut participer aux Olympiques, il va falloir qu'il laisse le MMA pour au moins 18 mois. Financièrement, ça serait quelque chose qui ferait mal. D'une autre façon, c'est que Georges St-Pierre, je pense pas que c'est Mike Tyson. Il dépensera pas tout son argent en 5 ans. Il a de l'air plus intelligent que ça. Alors, Mais dans le cas de Mike Tyson, il y a Don King qui a dépensé son argent aussi, là. C'est sûr que Mike Tyson, c'est pas le cerveau non plus, là. Ouais, c'est ça. Mais non, Georges St-Pierre, ça a l'air plus d'être une question de challenge. Toi, puis moi, en tout cas, moi, j'ai dit un mot juste avant qu'on commence ce segment-là. J'ai dit peut-être que Georges St-Pierre, il va être blasé à un moment donné, un manque de challenge. Je ne sais pas. On va voir là qu'est-ce qui va arriver avec Dan Hardy. Mais d'après moi, Dan Hardy, ça sera pas un très, très gros challenge pour Georges St-Pierre. Et en tant qu'athlète professionnel, compétiteur, peut-être qu'il va tenter ça les Olympiques. Je ne sais pas. Moi, j'espère qu'il reste avec le MMA, car c'est ça que j'aime comme sport. Si Georges St-Pierre va aux Olympiques, oui, il va attirer quelques yeux pour la lutte, mais ça sera rien de majeur. Une fois qu'il a fini son expérience avec la lutte olympique deviendra pas plus populaire qu'elle l'était avant, selon moi. Alors, c'est ça. J'espère que Georges St-Pierre va rester dans le MMA. Ouais, non, mais même si je pense pas que Georges, quand il est aux Olympiques en lutte, je pense pas que la lutte va devenir plus populaire, là. Ben, il y a du monde qui vont regarder ça, des amateurs de MMA qui vont regarder ça pour sûr, comment que Georges St-Pierre fait en lutte. Mais une fois que ces Olympiques-là sont finis, 4 ans plus tard, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont re-regarder les compétitions de lutte à cause de ça, là. Ça sera pas quelque chose qui va influencer la lutte olympique. Non, c'est ça. C'est le genre d'événement où on est curieux, mais c'est une fois aux 4 ans. Puis après ça, on attend 4 ans, puis on s'y intéresse. Après ça, c'est terminé, là. Puis bon, on verra bien, mais Georges St-Pierre, je pense pas que c'est dans son intérêt de ralentir sa progression à MMA. Parce que oui, Georges, là, évidemment, est dominant, là. Mais à 170 livres, il va y en avoir des gars qui vont être dangereux. Puis même à l'heure actuelle, il y a des gars qui peuvent battre Georges St-Pierre. Je pense pas qu'ils sont meilleurs que lui. Mais dans un combat de MMA, là, c'est très difficile de rester au top longtemps. On a vu dans les 205 livres, il y a tellement de bons combattants. Puis il y a un gars tout jeune qui arrive, là, quoi, 21-22 ans, John Jones. Puis en l'espace de quelques temps, on s'aperçoit qu'il va peut-être être un aspirant, là, rapidement à la couronne des 205 livres. Il est tout jeune, plein de talent. Il va y en avoir des gars comme ça à 170 livres qui vont arriver, là, dans les prochains, peut-être en 2010, là. Il va y en avoir un, John Jones, à 170 livres, qui va être très dangereux pour Georges St-Pierre. Puis peut-être qu'il est déjà là, mais nous, on le connaît pas encore. Mais il y en a des gars, même dans le UFC, à 170 livres, qui vont être dangereux pour Georges. Puis je pense qu'il doit se concentrer encore au MMA, si c'est son souhait, s'il aime encore ce sport-là. Je pense pas que c'est une bonne idée de mettre un terme, parce que s'il veut vraiment être un combattant sérieux en lutte aux Olympiques, ça va être plus que 18 mois d'arrêt en MMA, là. Il va falloir qu'il se consacre entièrement à son entraînement, à la lutte, pendant un an ou deux certainement. Puis quoi, les prochains Jeux, c'est en 2012. je vois pas l'intérêt pour lui. Non, surtout pas financièrement. Et surtout pas quand on pense qu'il a gagné en fin de semaine le combattant de l'année dans les World MMA Awards. C'est les trophées pour les combattants MMA, si on veut. Alors, ça, c'est voté par les amateurs. C'était à Las Vegas. Il y avait une cérémonie en fin de semaine par rapport à ça. Puis Georges St-Pierre a été choisi athlète de combattant de l'année. Alors, pour moi, c'est la preuve que Georges St-Pierre, c'est une star mondialement dans le MMA. Le MMA arrête pas de grossir. Georges St-Pierre, je m'en fais pas pour lui, il a dû faire de la bonne argent à date. Il a le potentiel d'en faire beaucoup plus dans les prochaines années parce que le sport va continuer à grossir. Alors, Georges St-Pierre, j'espère qu'il va rester vers le MMA. Oui, on a eu Satoshi Ishii qui était un combattant incroyable en judo. Il a gagné une médaille d'or aux derniers Olympiques. Il a tenté de se convertir au MMA. Bon, son premier combat, ça a plus ou moins réussi, même si quoi, il s'est consacré un an à cette conversion-là. Je pense pas que c'est plus facile de se convertir du MMA à la lutte olympique que de se convertir du judo en MMA. Là. C'est vraiment ces deux univers complètement différents, même si... En qualité de lutteur en MMA, Georges St-Pierre est redoutable. C'est peut-être lui qui utilise de manière la plus efficace les amener au sol. Ses techniques de lutte sont remarquables en MMA, mais en lutte olympique, c'est complètement différent. Ouais, et peut-être juste pour finir, parce qu'on va devoir partir bientôt pour un petit spécial en pause, te dire que l'UFC 109 a perdu Josh Koscheck, qui pourra pas combattre à l'UFC 109. Ça va être Mike Swick qui va prendre sa place, son partenaire d'entraînement. Alors, il va affronter Paulo Thiago. Malheureusement pour Koscheck, une blessure l'empêche d'avoir une chance à une revanche contre Thiago. Oui, il me semble qu'il avait mentionné qu'il voulait se battre une fois par mois en 2010. Oui, ça casse ses plans un petit peu. Ses plans, disons, ambitieux. Oui, ça commence mal. Alors, notre petit spécial, évidemment, on voulait vous faire ce cadeau-là. Fred, évidemment, prend soin de sa clientèle sur mmanouvelle.com. Et voici votre spécial. Fred, qui y va avec un chant simplement pour vous. Alors, quelle chanson tu as décidé d'interpréter, Fred? Bye bye. Non, moi j'ai pas aucun talent de chanteur. J'ai jamais écouté la musique sauf. Alors, si t'as quelque chose, Ken, à partager, vas-y. Alors non, on va vous laisser avec une simple musique très simple, mais quand même, vous allez voir, très efficace. Et par la suite, il y aura probablement autre chose parce qu'il y a des événements auxquels on veut discuter avec vous. Il y a deux événements qui s'en viennent à grands pas. On va probablement vous en parler. Il s'agit de la WEC qui nous offre leur premier événement en 2010. Et il y aura également un autre événement du UFC, un UFC Fight Night. Alors, douce musique qui vous accompagne pendant cette pause. Thank you. Eh oui, c'est toujours la voix des guerriers. Il nous reste un ou deux petits sujets à effleurer avec vous. Il s'agit de la WEC, le 46e événement. Ce sera le 10 janvier prochain, en Californie. Alors, commençons tout de suite avec le combat principal, dont on va pouvoir déclarer le champion incontesté de la catégorie des 155 livres de la WEC, puisque Jamie Varner, le champion actuel, âgé de 25 ans, va affronter le champion intérimaire Ben Henderson, qui lui a 26 ans. Leur dernier adversaire dans les deux cas, c'est Donald Cerrone. Cerrone a perdu les deux fois, mais a infligé de sévères blessures à Jamie Varner, qui l'a tenu à l'écart durant toute l'année 2009, pratiquement, puisque son combat face à Cerrone, c'était en janvier 2009, et puis par la suite, on ne l'a pas revu. Et dans le cas de Ben Henderson, son combat face à Cerrone, c'était il y a quelques temps. Et Cerrone l'avait perdu également, mais Henderson était contraint à l'inactivité depuis. Et là, son affrontement face à Jamie Varner risque d'être intéressant. Varner s'entraîne avec l'Arizona Combat Sports. Ça, c'est l'équipe de CB Dalloway, Ryan Bader. Puis il y a également un jeune gars du nom de Ben Askren qui s'entraîne là, dont on a entendu parler cette année. C'est un excellent lutteur au niveau universitaire américain. Et là, il s'est jeté en MMA. Il a 3 victoires, 0 défaites, je pense, de Ben Askren. Alors, on risque d'entendre parler de lui encore beaucoup cette année. C'est Jamie Varner s'entraîne avec cette gang-là. Il mesure 5 pieds 8, a 16 victoires et 2 défaites. Ces deux défaites, c'était face à, entre autres, Hermes Franca, l'une d'entre elles, du côté de Jamie Varner. C'était en 2006, mais depuis, il n'a que des victoires. Du côté de Ben Henderson, 10 victoires, il n'a seulement qu'une défaite à son actif. C'était son deuxième combat en carrière contre un gars qui s'appelle Chad Clegane-Smith, que je ne connais absolument pas. En 2009, une belle année pour lui, 3 victoires. Contre aucune défaite en 2009, dont une victoire par soumission sur Anthony Joquani, lui qui a donné une sérieuse correction là au Canadien, dont je viens d'oublier le nom, là, malheureusement. Oradeki. Ouais, Chris Oradeki. Et il a également battu par décision Donald Cerrone. Et je pense que Fred doit connaître ces deux gaillards-là beaucoup plus que moi. Alors, Fred, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement entre les deux champions des 155 livres? Ben, il faut que je fasse ma mention habituelle de dire qu'on va au moins se débarrasser d'une des deux ceintures inutiles que Zuffa, la compagnie à qui ça appartient, la WEC et l'UFC. Parce que à 155 livres, c'est ça, moi tout court, je mettrais les deux organisations ensemble. Avec ça dit, j'aime beaucoup Ben Henderson, surtout dans la dernière année, t'as dit, il y a eu une bonne année, puis moi, ça fait au moins 2-3 combats, là, justement, que je garde un œil dessus. C'est un gars très le fun à voir. Je l'ai déjà vu aussi dans des vidéos d'entraînement de BJ Penn. Je sais pas s'il s'entraîne là toujours ou juste des fois. Mais moi je suis un amateur de Ben Henderson, de ses aptitudes, de l'énergie qu'il apporte et tout. Alors je pense que Ben Henderson pourrait peut-être s'en sortir gagnant là, contre Jamie Varner qui a pas combattu depuis un certain temps. Puis Varner, c'est pas non plus justement un gars c'est un bon combattant, oui, mais c'est pas un gars que j'apprécie plus que ça à regarder. Alors, moi, je vais y aller avec Ben Henderson. Ça devrait être quand même un combat avec beaucoup d'énergie. Les deux sont très en forme et manquent pas beaucoup de cardio. Maintenant, à 145 livres, ce sera Urijah Faber face à Rafael Assuncao. Faber, pendant quelque temps, était considéré parmi les meilleurs livres pour livres au monde. Et puis est arrivé son affrontement face à Mike Brown, leur premier combat, où Brown a remporté le combat au premier engagement par KO. Par la suite, il y a eu leur deuxième rencontre, où Brown a remporté par décision. Ce qui fait que Faber, maintenant l'athlète de 30 ans, a une fiche de 22 victoires et 3 défaites, dont, évidemment, vous aurez compris, 2 défaites contre Mike Brown. Et l'autre défaite, c'était en 2005 contre Tyson Griffin. Sinon, ce ne sont que des victoires. Alors, qu'est-ce que Faber va pouvoir faire face à Rafael Assuncao, qui lui a 14 victoires. Il n'a qu'une défaite. C'était une défaite par décision majoritaire contre l'expérimenté Jeff Corrant. Depuis, il a remporté 6 victoires consécutives, dont son dernier combat face au Québécois Yves Jabouin. Il avait remporté une décision partagée. Oui, ben d'après moi, ça va être un excellent combat. Puis si Faber gagne, il va sûrement se mériter une chance contre Jose Aldo. J'ai hâte de voir justement Faber parce que Mike Brown l'a sonné assez solidement dans leur premier combat. Il l'avait battu par KO. Puis dans le deuxième combat, Faber s'était cassé la main puis il n'avait pas pu faire son plan de match comme il voulait. Alors, j'ai hâte de voir comment Faber va revenir. C'est un gars qui est plein d'aptitudes. Il est fait fort, il est pas grand, mais il est fait fort et très costaud. Alors, j'ai hâte de voir ça, là. Ça devrait être un bon combat. Je pense que Faber devrait s'en sortir gagnant. Asuncao aussi a beaucoup d'aptitudes. On l'a vu contre Jabouin, comme tu disais. Puis, c'est un gars complet aussi, je pense. Il n'y a pas trop de failles dans son jeu. Alors, ça devrait offrir un bon combat. Puis, le gagnant va sûrement se mériter une chance contre Aldo. Oh, est-ce que c'est une chance d'affronter José Aldo, toi qui en parles depuis quelque temps et puis on l'a pu le constater par nous-mêmes là, depuis que José Aldo est un adversaire redoutable, mais advenant le cas où Faber remporte ce combat-là, est-ce que tu penses que le style de Urijah Faber peut causer des problèmes à José Aldo? On sait jamais, là. Faber est assez complexe. Mais je pense que José Aldo, justement, est complet à un si jeune âge, puis il va juste s'améliorer, comme John Jones, comme Cain Velasquez, comme d'autres jeunes, où ce que tu les regardes, tu vois que c'est des gars qui sont concentrés, qui prennent leur carrière au sérieux, puis qui ont encore 10 ans au moins devant eux à un niveau super haut. Alors, je pense que José Aldo devrait s'en sortir gagnant. Il y a beaucoup d'amateurs en moi qui parlent, c'est sûr. Mais moi, José Aldo contre n'importe qui, à peu près, je vais le regarder. Alors, Urijah Faber, ça peut être un bon challenge, c'est sûr. Dans la même catégorie de poids, il y a Mike Brown de l'American Top Team. Il a 34 ans, 22 victoires et 5 défaites. Il vient de perdre, évidemment, face à José Aldo par KO là, au premier round. Ses quatre autres défaites, c'était par soumission. Il y avait Genki Sudo, Hermes Franca, un japonais du nom de Imanari et Joe Lauzon. Ces quatre-là l'ont soumis dans le passé. Alors, est-ce que Anthony Morrison pourra effectuer ce genre de manœuvre pour parvenir à aller chercher une victoire? Anthony Morrison, je ne le connais pas. Je crois que c'est son premier combat à la WEC. Il a 25 ans, 12 victoires, 6 défaites, 6 affiches. Est-ce que c'est un combat de transition? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'il... Ce duel-là, ça me semble sur papier, là, pas nécessairement ça semble facile pour Mike Brown sur papier. Ouais, je pense. Je connais pas non plus Morrison. Alors, on sait jamais, comme tu dis, il y a des bons jeunes qui sortent de nulle part des fois. Mais aussi, je pense que Mike Brown, c'est un nom que la WEC veut garder. Quand même, c'est un nom, si on veut, important dans l'organisation. Alors oui, c'est sûrement un combat avec pour but de le mettre sur le bon chemin. C'est sûrement pas le genre de combat, justement, qui va lui valoir une nouvelle chance contre Aldo. Alors, je pencherais plus vers le gagnant de Faber à Asuncao pour être le prochain à affronter José Aldo. Mais Mike Brown, comme je dis, c'est un gros nom quand même dans la WEC, puis il doit être bien aimé, c'est un gars qui semble respectueux et tout, alors oui, je pense que c'est peut-être pour l'aider. Je vais y aller un peu plus rapidement pour les autres, puis Fred, tu m'arrêtes là, quand tu ressens le besoin. Dans les 155 livres, il y a Dave Jansen de la Team Quest. Il a 14 victoires, invaincu jusqu'à maintenant, âgé de 30 ans. Il va affronter Kamal Chalrous. C'est un Iranien, de ce que j'ai pu voir, de 37 ans, que je connais, mais là, absolument pas. 5 victoires, aucune défaite, et un combat nul. En tout cas, il y a un combat où il n'y a pas eu de décision, à tout le moins. Par la suite, à 145 livres, Mackenzie Semerzière, disons-le comme ça, qui avait causé une surprise. Peut-être pas pour sa victoire contre Wanye Fabiano, mais c'est surtout la manière dont il a vaincu Wanye Fabiano. C'était par soumission, étranglement triangulaire. C'était sa 6e victoire à l'époque. Puis d'ailleurs, ça n'a pas bougé puisque c'est son dernier combat. Et c'était sa 5e victoire par soumission. Il sera opposé à Davidas Torozevicius, qui a 11 victoires et 3 défaites avec 8 de ses 11 victoires acquises par soumission. Et ces 3 défaites, tous par décision. Alors, ça, c'est un combat qui semble relativement intéressant. J'ai bien hâte de voir ce que Mackenzie Semerzière va pouvoir faire. Lui qui vient de soumettre Wanye Fabiano, va-t-il pouvoir poursuivre lancée victorieuse de 6 victoires contre aucune défaite en carrière et peut-être aller chercher une autre soumission. Dans la catégorie des 135 livres, on a Charlie Valencia, 11 victoires et 5 défaites, qui affronte Akitoshi Tamura, qui a beaucoup d'expérience, 13 victoires, 7 défaites, et il vient de battre Manny Tapaya, ce dernier qui ne gagne plus depuis son affrontement face à Miguel Torres pour le titre de la division. Il avait perdu inévitablement, mais par la suite, je pense que ça va pas très bien pour Manny Tapaya. Wanye Fabiano fait un retour depuis sa défaite face à Mackenzie Saint-Merzière. Il a 34 ans, le Brésilien, 12 victoires, 2 défaites, dont une défaite face à Jeff Curran dans un combat très serré et cette défaite face à Saint-Merzière par soumission. Il avait subi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un étranglement triangulaire. Il s'entraîne avec l'équipe Nuva União. C'est l'équipe de José Aldo, en l'occurrence, et son demi-frère également, Leo Santos. L'adversaire de Wanye Fabiano sera Clint Godfrey, qui a 11 victoires, une défaite, avec 8 de ses 11 victoires par soumission, alors il ne doit pas être mauvais au sol. Et c'est son premier combat dans la WEC. Il devait y avoir un combat qui, pour moi, aurait été très intéressant entre deux Canadiens, Mark Romanek et Yves Jabouin. Malheureusement, ce dernier est absent pour cause de blessure. Alors, l'adversaire qui remplace Yves Jabouin, c'est Brian Caraway. 12 victoires, 3 défaites avec 10 de ses 12 victoires par soumission. Le Canadien Mark Romanek, qui s'entraîne avec Sam Stout, c'est l'équipe de Sean Tompkins. Il a 16 victoires et 8 défaites. Son dernier combat se remonte en juillet 2008. C'était pour l'organisation Affliction, où il avait réussi à soumettre Trenel Young. Il a perdu 5 fois par soumission, Mark Romanek. Alors, puisque Brian Caraway a 10 de ses 12 victoires par soumission, ça peut être dangereux pour Romanek, mais debout, Romanek, à l'instar de son bon ami Sam Stout, explosif debout, très rapide, ça peut être un combat qui va être très intéressant, mais souhaitons pour le Canadien que le combat va pouvoir demeurer en position debout. Toujours à 135 livres, on finit la carte avec deux combats dans cette division-là. A.D. Wineland, 15 et 6, affronte George Roop, qui est un ancien du UFC qui combattait à 155 livres. George Roop. Et là, il se ramasse à Bantamweight à 135 livres dans la WEC. C'est un peu bizarre. 10 victoires, 4 défaites, sa fiche cumulative. Au UFC, ça n'a pas été très brillant. Une victoire et 2 défaites. Toujours dans la même catégorie de poids. Cody Wheeler, 10 victoires, 2 défaites, affronte Will Campuzano, 6 victoires et 1 défaite. Alors, c'était ça pour la WEC, leur 46e événement, ce dimanche, 10 ça, janvier. En passant, ça va être le premier présenté sur la chaîne de Score au Canada. C'est une chaîne qui est disponible pour Vidéotron et Bell. C'est une chaîne sportive là, avec plusieurs événement sportif, là, mais ça va être le premier événement de leur nouveau contrat avec la WEC de diffusion en direct. Et qu'est-ce qu'on fait pour savoir tous les déroulements à propos de la WEC au cours de la semaine, la pesée, qu'est-ce qui se passe, comment vont les gars, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui est blessé, on subit ça évidemment. Il y a une adresse pour tout savoir, c'est www.mmanouvelles au pluriel évidemment, parce qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y a plein de nouvelles. Alors mmanouvelles au pluriel.com, on se rend là pour tout savoir à propos de la WEC, du UFC, des organisations japonaises, tout ce qui a un lien direct ou indirect avec le MMA et parfois même sur d'autres sports de combat. Alors, c'est votre rendez-vous quotidien, je dirais, sur mmanouvelles.com. En plus des photos de moi en train de tirer sur mon fils. Bon, alors, mais non, je vous invite à aller voir sur mmanouvelles.com pour voir de quoi il s'agit, parce que, juste comme ça, c'est on peut s'y méprendre dans ces propos. Oui, non, c'est sûr. Puis c'est pas moi qui ai tiré dessus en passant. Aïe. Est-ce qu'on continue tout de suite avec le UFC, mon ami Fred, ou t'as besoin? On passe vers le Fight Night qui est le lendemain. C'est bizarre, un lundi, je sais pas si... pour moi, c'est la première fois que ça arrive, un lundi, un UFC dans ma tête. Là. Peut-être qu'il y en a déjà eu auparavant. Alors, un Fight Night, un lundi, t'es pas occupé, j'espère? que se passe-t-il? Non, mais c'est intéressant. Je pense souvent c'était le mercredi soir, si je me trompe pas, c'est UFC Fight Night là qu'on a gratuitement sur Spike TV. Là, on fait un petit spécial un petit lundi. On fait un petit combiné. Là, dimanche, on a un événement de la WEC. Lundi, pourquoi pas? On se paye un petit plaisir. Là, ce sera le Fight Night du UFC. Puis, ben ça se prend bien. Par contre, c'est peut-être pas le meilleur Fight Night de l'histoire. Ça va se dérouler tout ça en Virginie au Patriot Center. Gray Maynard face à Nate Diaz. Ça, c'est le combat principal de la carte. Nate Diaz, un personnage agréable, mais je pense pas qu'il a le talent de son frère. Il est âgé de 24 ans, 11 victoires, 4 défaites. Il vient tout juste de soumettre par guillotine Melvin Gaillard. Je pense que c'était une guillotine, il me semble, à mon souvenir. Et il avait perdu avant ça ses deux derniers combats face à Joe Stevenson et Clay Guida. Alors, Nate Diaz est un bon combattant, mais on a vu face au... il manque un petit quelque chose là pour être parmi l'élite du UFC à 155 livres. Et là, il affronte Gray Maynard qui a jusqu'alors pas encore connu la défaite. Il a 8 victoires, dont 7 par décision. Pas le combattant le plus spectaculaire, mais possède une très bonne lutte. Et il remporte ses combats d'habitude, ben plus que d'habitude, puisqu'il n'en a pas encore perdu un. Et son dernier combat, c'était une victoire par décision partagée face à Roger Huerta. Alors, de quoi tu t'attends de ce duel-là? Nate Diaz, évidemment, c'est l'un de tes préférés puisqu'il s'entraîne avec César Gracie et tu sembles affectionner ce clan constitué de Jake Shields, Nick et Nate Diaz et également celui qui vient de battre... Melendez. Oui, c'est Melendez. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Avec ça dit, dans la dernière année, j'ai perdu beaucoup de confiance sur Nate Diaz. Il me semble qu'il avait remporté l'Ultimate Fighter. Nate Diaz, mais en tout cas, il avait participé. Il me semble aussi qu'il avait même remporté cette saison-là. Oui, ouais, je pense qu'il avait battu Armand Garburian. Ça se peut très bien, c'est ça. Et moi, j'avais un peu d'espoir en lui, mais dans la dernière année, j'ai perdu beaucoup d'espoir. Où ce que contre Clay Guida, on a vu qu'il y avait de la misère contre un lutteur. Et Joe Stevenson a sorti la même stratégie. Il est allé avec beaucoup de luttes contre Diaz. Il l'a amené au sol. Il a contrôlé beaucoup de longues périodes de temps. Et c'est justement ce que Gray Maynard va faire, d'après moi. Alors, j'ai peur pour Nate Diaz que ça soit un combat qui est pas pour lui un mauvais match-up où ce que ça va exposer où ce qu'on va voir ses faiblesses une fois de plus. Oui, on continue dans la même catégorie de poids. Il y a Efrain Escudero, un Mexicain, Américain, 13 victoires, aucune défaite, 9 de ses 13 victoires par soumission. Lui, il a gagné l'édition, la 8e édition de Ultimate Fighter en battant Philip Nover par décision. Et il a également battu Cole Meller, qu'on a vu hier soir au UFC 108, disposé de belle façon de Dan Lauzon. Eh bien, Escudero l'a déjà battu par KO au UFC également. Il a 23 ans seulement. Et son adversaire, Evan Dunham. 9 victoires, aucune défaite. Il s'entraîne avec extrême couture. Poursuivons dans les 185 livres. Tom Lawler, qui a soumis CB Dalloway au UFC 100. Il a 6 victoires, une défaite. Il sera opposé à Aaron Simpson, qui a 6 victoires, tous acquises par KO. Amir Sadoula est de retour depuis sa victoire par décision sur Phil Baroni. Pas nécessairement très convaincante. 2 victoires, une défaite pour Sadoula. Son adversaire, Brad Blackburn, 15-9. Tout ça dans la catégorie des 170 livres. Ça, c'est la carte qui va vous être présentée sur Spike TV. Maintenant, on se rend à la carte préliminaire. Chris Leben, 18 victoires, 16 défaites. Il a perdu contre Bisping et Jake Roschel dans ses derniers combats. Par soumission contre Rochelt, là, il avait endormi par un étranglement triangulaire avec les bras. Alors là, il sera opposé à Jay Silva. 5 victoires, 2 défaites. Il a perdu son premier combat, lui, dans le UFC contre CB Dalloway. Et Chris Leben, c'est peut-être sa dernière chance. Oui, je pense que oui aussi. Moi, Chris Leben, c'est sa dernière chance. Et je suis surpris même qu'il y en ait eu autant. Oui, d'autant plus que Jake Roschel, qui a disposé de Chris Leben, lui, il est parti depuis puisqu'il a subi une défaite dans son dernier combat. Et Chris Leben, lui, a encore une chance, probablement parce qu'il a fait partie de la première édition de Ultimate Fighter. ou la deux, ouais, la première, puis ça a été un personnage à ce moment-là, puis il y a un certain charisme, là, on sait pas pourquoi, autour de Chris Laban. Puis c'est un gars qui a du cœur quand même, là. 170 livres toujours, Rick Starry, 8 victoires, 3 défaites face à JC Lennox, 11 et 1. Il y a Thiago Tavares, 14 victoires, 3 défaites et 10 et 14 victoires par soumission, qui affronte Nick Lenz, qui lui a une fiche de 17 victoires et 3 défaites. Rapidement, 170 livres, il y a Mike Gimon, 11 victoires, 2 défaites, dont 5 victoires par KO et les 6 autres par soumission. Alors, il n'a jamais été chercher une victoire par décision, toujours par KO ou par soumission. Il affronte le Canadien Rory McDonald, plein de talent, seulement 20 ans, 9 victoires, aucune défaite, 5 victoires par KO, 4 par soumission. Alors, lui, s'est jamais rendu en décision, jamais au courant de sa carrière. Et c'est son premier combat au UFC pour le jeune Canadien de 20 ans seulement. Kyle Bradley, 14 victoires, 6 défaites, affronte Rafael Dos Anjos, 12 et 4. Et Gérald Harris, 12 victoires, 2 défaites, affronte Mike Massenzio, 11 et 3. Et on termine tout ça entre un duel annoncé entre Nick Catone, 7 victoires et 2 défaites, dont 2 défaites de suite là, dans ses derniers combats face à Munoz et Tim Crader. Il affronte JC Forbes, 13 victoires et 3 défaites. Ça conclut pour le UFC Fight Night, pour le WEC 46, et on vous souhaite d'avoir beaucoup de bonheur en écoutant ces deux événements-là qui se dérouleront successivement ce dimanche prochain, le 10 et le lundi 11 janvier 2010. Surveillez ça sur Spike pour ce qui est du UFC Fight Night. Et pour l'autre, Fred nous a parlé de Scores. Pour ceux qui sont en Europe, je ne sais pas, arrangez-vous avec vos affaires. Je pense qu'on présente sur RTL en France, il y a des UFC allègrement. Alors, payez-vous de la traite avec ça. Ou sinon, surveillez ça sur mmanouvelle.com. Là-dessus, je pense que ça conclut l'émission. Est-ce qu'on aurait autre chose à dire? J'ai pas l'impression. Alors, on vous souhaite de passer une bonne journée. Fred, je te laisse conclure l'émission. Ouais, Ken, je vois que on te dérange un petit peu. Peut-être juste en finissant à dire à tout le monde, allez voir la belle pirouette de Dustin Hazlett qui a essayé de faire contre Paul Daly au début du combat. Je suis pas sûr qu'il s'en rappelle lui-même. Moi, j'avais oublié. C'est un des commentaires sur MMA Nouvelles. .com qui viennent me la rappeler. Le KO de Daly m'a fait oublier la pirouette d'Hazlett qui était assez belle. Là-dessus, bonne semaine à tous les auditeurs et lecteurs. On vous apprécie et on vous revoit pour prendre la semaine avec d'autres petits spéciaux.